You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 96 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard, micro devant une foule en délire. On ne peut pas les entendre présentement, mais si vous entendiez les commentaires sur Facebook, c'est complètement fou. Chaque like est comme une main d'applaudissement qu'on entend et c'est débile, j'en reviens pas. Avec moi ce soir, j'ai mon fidèle compagnon Jean-François Tremblay. Salut Jean-François. Salut, joyeux mois d'octobre. Hey Colin, que t'es fier de nous présenter ta bière à Pumpkin Ale. Ouais. C'est qui fait ça? Great Lakes Brewery, la brasserie des Grands Lacs. Est-ce qu'elle est bonne? Oui. Cool. Moi j'ai une boréale dorée, écoute, c'est une boréale qui était chez nous depuis au moins un mois, c'est tout ce que j'ai dans la maison, alors je vais la déguster lentement. On a aussi avec nous celle qui peut-être ce soir fera de nous tous de riches gens, Vicky Langlois. On peut juste... Le plus gros lot, c'est 20 000, là, les ans. Ben, on sera riche. Bon, OK, garde. 20 000, à cette heure que t'es rendu avec un resto et tout ça, 20 000, pour toi, ça veut plus rien dire. Hey, mais... tellement! Je roule sur l'or. Comment ça va, Vicky? Ça va super bien. Ben là, j'ai un peu mal de tête, là, mais je sais, tu l'es nol. Puis le 20. Ça va bien aller. Parfait. Hey, puis c'était pas une blague, là. On pourrait gagner 20 000 ce soir. Explique-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que on a une chance sur 3,34 de gagner un gros lot, mais une chance sur 450 143 de gagner 20 000 $. Ben, en fait, écoute, je nous ai pris, pour souligner les mois de l'horreur qui commence ce soir, je nous ai pris un gratteux Walking Dead. Et je vais le gratter avec mon épinglette Sherbrooke. Oh. Alors, si nous gagnons du gratteux Walking Dead, je vais nous amener tous à Sherbrooke. Admettons. Ben moi, je suis déjà là. Et vous autres aussi, mettons. Admettons que tu gagnes 5 piastres. Est-ce que tu payes la balance? Ben, si je gagne 5 piastres, je m'inscris sur Patreon pour 5 mois à 1 $. OK. Alors, je suis excité, là. Il n'y aurait jamais eu autant d'argent en jeu dans un épisode d'Horror Gamer. C'est malade. C'est vrai. Alors, Sébastien, nos numéros sont le 18 et le 4. Je répète, le 18 et le 4. Je n'ai jamais été aussi stressé. Avant le 17 et le 14, mais pas le 18 et le 4. Il semblerait... En passant... excuse. Non, mais il ne reste que deux cases à gratter, les gars. Nous avons tout pas... Puis le 4. Reste toute chance de gagner. Et non. Nous les avions tous, sauf le 18 et le 4. On les avait tous. Tous les nombres du monde étaient là. Il y avait 17. Il y avait 19. Il y avait 6. On était tellement proches. On était tellement proches. Écoute, on va tout prendre une gorgée à la santé d'un portefeuille qui devra payer de lui-même ce voyage à Sherbrooke. Et voilà, c'est le même, ça va se finir. Steven dit qu'il a vomi à cause du stress. Bon, c'est bien. Oui, donc c'est ça, les amis. C'est le premier épisode pour les 31 jours d'horreur. On est live sur Facebook. Habituellement, oui, on est live pour les Patreons, mais on fait ça depuis un an. C'est la deuxième année qu'on le fait. On est live pour tout le monde pendant le mois d'octobre. On espère pas perdre des Patreons qui se disent « Voyons, je paye dans le beurre, je veux mon exclusivité live à moi! » Oui, parce qu'habituellement, ce sont que les Patreons qui peuvent avoir accès à ces shows live-là. Mais pour le mois d'octobre, parce que c'est le Noël de tout fan de films d'horreur, on a décidé de le donner à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a... écoute, on n'a jamais eu autant de monde live. On est 16, 13, 14, c'est fou. Sébastien. J'arrête de me boucher, j'arrête. Ceux qui connaissent pas ça, les Patreons, ça ne leur dit absolument rien comment ça fonctionne, cette affaire-là. Écoute, un Patreon, c'est comme un Kickstarter. Dans le fond, c'est une plateforme de financement collaborative. C'est ça? Collaborative? Financement? Ouais, mm-hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est que pour nous encourager, à tous les mois, ils s'engagent à donner un certain montant. Ça peut aller de 1$ à 10 000$, tout dépendant de votre fortune, ou tout dépendant si vous gagnez au Gratuit Walking Dead, c'est ça. C'est selon. Mais, il reste 457 142 chances. Écoute! C'est trop... Écoute, s'il y a des gens dans le chat qui ont déjà perdu des gratuits de Walking Dead, dites-nous-le, on va les soustraire de ça, puis on va savoir combien de chances qu'il reste. Moi, d'après moi, je l'ai peut-être gratté 2-3 dans ma vie, fait que tu peux peut-être enlever 2 chances. Là, oui, aussi. Ça, je l'ai déjà gratté 1, puis j'avais bien gagné. Hey, tu vois, c'est de la grosse bouette, ces gratteux-là, ils sont vraiment pas gagnants. Les chances, se rétrécissent, tu écoutes, là. Moi, je dis, le prochain qui n'achète gagne tout, c'est sûr et certain. Mais, donc c'est ça, les Patreons. Donc c'est ça, cette plateforme-là permet de nous aider à financer le site, à financer notre équipement, connexion Internet, hébergement de tout. Aussi, ça nous permet de publiciser nos publications Facebook, publiciser nos publications, bah oui, ça se dit. Donc, mm-hmm. Pour augmenter notre visibilité, tout ça. Donc, c'est dans le fond, c'est pour faire en sorte que Horror Gamer arrête de nous coûter beaucoup de sous de nos poches. Donc, c'est pour ça qu'on a cette plateforme de financement-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'avec Patreon, c'est que selon ce que vous donnez, vous obtenez certains privilèges, donc certains participations à des concours, le choix d'avoir des épisodes, accès aux épisodes live au moment qu'on les enregistre. Vous avez droit aussi à votre shout-out pendant les shows. D'ailleurs, shout-out à Véronique qui est là. Elle est là depuis très, très, très longtemps pendant nos shows. On a aussi Marc-André Lavigne, qui est notre autre patron qui a droit à son shout-out. Shout-out Marc-André. C'est rare, d'habitude, on les fait à la fin, mais pourquoi pas les faire au début du show. Et donc, c'est ça. Donc, eux ont droit d'écouter les épisodes live avec d'autres patrons, mais eux ont droit à leur shout-out. Et je pense même qu'on a aussi... on pourrait vous enregistrer un message privé ou une pub pour votre podcast ou whatever. Des récompenses, il n'y a pas genre un appel à 3h du matin où est-ce que tu respires fort, là? Ça, non. Ça, c'est gratis. Je savais pas que présentement, Steven n'est pas là, mais il est en train de juste faire du repérage sur toutes les gens qui nous écoutent live. C'est ça. Puis il prend leur numéro de téléphone, puis c'est tout notre job de le faire plus tard. Il y a Marc-Antoine, la méchanceté, qui dit cette idée d'être en même temps que Star Trek. J'avoue, hein. Merci beaucoup. Mais on est dimanche soir, on est en même temps que tout, à peu près. Ouais, on est en même temps qu'Occupation Double, Star Trek. J'imagine que tout le monde en parle est là. Mais c'est tout le temps ça, on est là le dimanche soir. Regarde, que voulez-vous? Mais, donc c'est ça. Et vous pouvez voir aussi qu'à chaque fois qu'on obtient un certain montant mensuel avec le Patreon, on débloque feature de notre podcast, donc on va faire des concours plus fréquemment, soit on va pouvoir se payer des meilleurs logiciels de montage ou faire des épisodes live, mais pas live comme on le fait là, mais live public, donc tout plein de choses comme ça. Vous irez faire un tour patreon.com/horreurgamer. De toute façon, le lien est sur notre site. Des vidéos making of de Sébastien qui travaille sur Photoshop. Sur nos logos pis ça. C'est juste moi qui bouge pas pis qui est comme tabarnak de style. Non, même pire, j'ai même pas Photoshop. Moi, je travaille sur Paint.net. Donc, ceux qui connaissent Paint.net sauront à quel point que je suis dévoué. Mais hey, trêve de Patreon, whatever. Oh, on est en même temps que La Voix Junior, même. Donc, regarde, c'est ça. Regarde. Hey, on est en même temps que Twin Peaks pis c'était quoi l'autre chose? A Game of Thrones. Non. L'autre show qu'on écoutait juste avant. A Big Little Lies? Non, mais ça fait longtemps, ça. Truc de robots. Ils sont pas des robots. Westworld, oui. L'année passée, oui. T'en manquais pas. On fait partie des bigs, on fait partie des grandes ligues, c'est ça. Tu manquais pas un show, puis tu disais juste, OK, bye guys, on va écouter Westworld, puis tu partais. Les autres, on passe pas le vendredi soir ou le soir à bâtard, là, c'est le dimanche. Exactement. Voilà. Donc, hey, salut à tout le monde qui sont live, qui sont là. Les 17, on est rendu à 17, c'est notre nouveau max. Donc, salut à Mathieu Gosselin, entre autres, qui vient de se pointer. Là, un monsieur du Chac à Boisson, un autre notre copain du web. Donc, les 31 jours de mort, c'est à ce moment-là que j'ai tout moffé. Les 31 jours d'horreur commencent en ce moment même. Je sais qu'il y en a déjà qui ont écouté leur premier film. D'après, c'est ce que je vois sur les... c'est les beaux dimanches avec Horror Gamer, évidemment, Marc-Antoine a la chance. Donc, il y en a qui ont déjà écouté leur premier film des 31 jours d'horreur. J'ai vu ça passer sur nos diverses publications. Hey, c'est super. Mais donc, c'est ça. 31 jours d'horreur, je pense qu'on l'a assez expliqué. Un film d'horreur par jour, nous, on vous suggère un thème. Vous en faites ce que vous voulez. Vous écoutez le film que vous voulez. Si vous voulez pas écouter un film qui a un lien avec le thème, on vous aime pareil. C'est juste que nous autres, c'est une façon de faire de quoi de cohérent. Hein? Puis d'être plus lousse, parce que dans les années précédentes, on a essayé plusieurs formules. On a essayé la formule, on écoute tous le même film, puis souvent, on se faisait chier parce qu'on n'a pas tous envie. On a essayé la formule, on est 10 sur le panel, chacun choisit son film, puis on les écoute, puis encore une fois, le monde n'écoutait pas les films proposés. Fait qu'on s'est dit, pourquoi imposer des films? Parce que les gens veulent pas nécessairement les écouter. Fait que, exact. On est juste... Ouais, puis c'est la disponibilité, puis c'est une sorte d'affaire aussi. Comme tu dis, le goût surtout, là. C'est... L'année passée, ça qu'on avait essayé, c'était de trouver des films les plus disponibles possibles à travers toutes les plateformes, qu'ils soient payantes, gratuites, tout le temps en restant dans la légalité. Et c'était pas facile parce que mine de rien, il y a des films qu'on voulait proposer, qu'on voulait écouter, puis ben ça faisait en sorte qu'on pouvait pas. Ouais. Donc en vous suggérant des thèmes, ben là, on y va là, vous faites bien ce que vous voulez. T'sais, nos listes ont tout à été variées, mais ça reste que le monde, des fois, ils ont juste envie durant le 31 jours d'écouter un Friday the 13th ou un Freddy ou quelque chose comme ça. Fait que ils ont le droit, là, c'est bien correct, puis on peut en parler de ça là aussi. Là. Exactement. D'ailleurs, sur le chat, si vous avez commencé vos 31 jours d'horreur ou que vous comptez les commencer très bientôt, allez, écrivez-nous c'est quoi vos films dans les prochains jours. On va sûrement en parler. Mais nous autres, bon, c'est ça. On s'est chacun fait notre liste. Ce soir, ben, étant donné qu'on n'a pas encore écouté notre premier film pour nos 31 jours, on va jaser un petit peu de cette liste-là. On va regarder, faire le tour de c'est quoi, qu'est-ce qu'on s'est donné comme ligne directrice dans nos listes. Puis c'est ça que je voulais vous poser comme question. Ben, je vais y aller avec toi, Jean-François, pour commencer. T'avais-tu une ligne directrice dans ta liste? J'ai vu beaucoup d'hommages. Ouais, ben moi... il y en a deux, en fait, mais parce qu'on a... Je vais dire ce que je voulais dire, c'est que ma liste, c'est des suggestions pour le public. C'est pas tant des suggestions, c'est pas tant une liste de quelque chose que je planifie de regarder, parce que cette année, ça a été un peu bizarre, mon année, à cause on est podcast, à cause du bébé, puis tout, fait que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire ou de faire tous les épisodes que j'aurais voulu faire, puis tu sais, j'ai pris la décision d'arrêter le bras de faire des films aussi à cause de ça, mais à cause du manque de temps, mais c'est ça, tu sais, je pense pas que je vais faire les 31 jours. Fait que j'ai fait une liste où ce que je suggère des... Ouais. Non, Vicky montre son petit bonhomme, je trouve à lunettes. elle me traite de je trouve à lunettes depuis quelques jours. Oui, c'est très drôle. Mais c'est ça, ma liste, c'est des suggestions pour vous, pour le public, de films que je considère qui sont intéressants. Mais tu sais, comme l'année passée, j'avais suggéré des trucs que moi-même je n'avais pas vu, mais qui étaient super obscurs, des affaires des années 50 ou des films suédois avec des sous-titres. Là, fait, j'ai fait non. Fuck ça, il y a personne qui les a regardés l'année passée, ça me frustrait. Ça, je l'avais pas dit au micro, mais ça m'avait vraiment frustré. J'étais comme, ok, non, je me ferais pas chier cette année avec. Oui. Vicky, t'as-tu le schtroumpf frustré aussi? Non, mais j'ai Gargamel. Gargamel, ça quand même. Mais... Juste là, là, j'ai deux petits schtroumpfs, un qui tient une caméra, puis l'autre qui tient un clap. Non, okay. J'ai Zim aussi. Schtroumpf clap. Exact. Schtroumpf caméra. Exact. Puis c'est après ça, t'as Schtroumpf fête qui fait un porno. C'est ça. Ok, je m'égare. Mais non, c'est ça. Regarde la danse. J'adore les Schtroumpfs. Fait que pour terminer, c'est ça. Sur ma liste, ben c'est ça. C'est une liste de suggestions de films que j'ai toutes vues sauf un. Je pense que j'ai pas vu la mini-série Salem's Lot de Toby Hooper. Ça rentre dans mes deux hommages que j'ai mis sur ma liste. J'ai mis un hommage à Toby Hooper qu'on a perdu cet été, puis un hommage à George Romero que vous trouverez dans la liste, là, parce que notre liste, en fait, sur le site web d'Horror Gamer, il n'y a pas nos noms à côté de nos titres. Fait que c'est à vous autres de deviner, si vous connaissez un peu nos personnalités, c'est quoi les films qu'on a suggérés? C'est qui a suggéré quoi, tu sais? Mm-hmm. Dans le fond, qui a suggéré un film de Crocodile, le jour des requins, genre, tu sais? Oui, c'est ça, tu sais. Bon, genre, tu sais, on la pointera pas du doigt. J'ai juste utilisé un déterminant féminin pour en parler, mais je sais pas de qui qu'on parle. C'est ça, je reste subtil. Écoute, toi, Vicky, t'es allée sous le signe de la tricherie, de ce que je comprends. Ça fait deux fois depuis. C'est même pas commencé. Ça fait deux fois que tu dis j'ai triché, tu sais. Oui, puis j'arrêterai pas. C'est quoi là? T'as décidé? Moi, je m'assume la tricheuse cette année parce que depuis la première édition que je le fais, je triche tout le temps. Puis je fais tout le temps sans blague. Ben non, j'ai pas triché. Puis là, je me dis cette année, j'assume la triche à fond. Première triche que j'ai faite, c'est mettre des films qui n'avait pas rapport dans les genres juste parce que ça me tentait pas. Ça me tentait pas d'écouter un film de requin. C'est un crocodile, c'est pareil. Là. Ça paraîtra pas, là, ça a des dents. Là. Mais juste me le dire, moi, je les ai écrits. Il y en a même que j'ai écrit, j'ai fait « Mais qu'est-ce qu'elle a suggéré là? » Puis l'autre affaire que je triche aussi, c'est j'écoute pas un film d'horreur. Souvent, j'en écoute trois une journée, puis pas pantoute le lendemain. Okay. Fait que là, j'ai pris comme plein de films random que j'ai envie de voir. J'étais aussi avec... des films actuels, mais c'est ça. C'est qu'à chaque année, je dis « Ouais, ouais, j'ai vu un film d'horreur à tous les jours », mais finalement, c'est pas vrai, pas en tout. J'écoute trois une fois, puis je divague un peu. Aussi, j'aime beaucoup les films accessibles. L'an passé, je pense que moi, j'avais suggéré, entre autres, beaucoup de films accessibles parce que j'aime ça, que les gens puissent les voir. Fait que ça aussi, j'ai été beaucoup, beaucoup sur Netflix et Tubi pour faire mes choix. J'ai triché sur des genres que je connaissais pas, ou je comprenais pas, ou j'étais comme, what the fuck, tu sais, comme le genre Mockumentary. L'affaire du lapin, là? Non, pas cette année, mais l'année passée, t'avais fait. L'an passé, l'affaire du lapin, que je n'ai même pas écouté encore parce que j'ai même pas le temps, mais il est même plus là. En fait, c'est qu'il est plus sur Tubi. Sinon, je voulais l'écouter à Mané, puis il est plus sur Tubi. Mais moi, c'est mon genre d'aller sur Tubi, puis prendre juste un film random pendant que je fais ma comptabilité, il est à côté, puis, tu sais, je suis dans mon petit coin, personne ne le regarde, fait que ça me dérange pas, fait que, c'est comme, ça me dérange pas de la qualité ou de la notoriété du film, j'y vais juste avec ce que j'ai envie. Fait que quand je regardais les genres, il y a des fois, j'étais comme, mais j'ai pas envie de ce genre-là, mais il y a celui-là qui pourrait être connexe. Ou je pense à Grindhouse, que j'ai pris Death Race 2000, que je pense même pas que c'est un film d'horreur. Et je l'ai trouvé dans une vente de garage, hein, puis la fille, comme je faisais un lot, tu sais, c'était comme 10 films pour tel prix, 15 films pour un prix. Puis je l'ai pris 20, puis elle dit, oh, je t'ai pris au prix de 15 parce que t'en prends 5, que genre, ça fait 5 ans que j'essaie de me débarrasser. Dont Dead Race 2000, ben j'étais comme, crime, c'est tellement le bon moment pour l'écouter, mais je sais que c'est pas un film d'horreur en tant que tel. Fait que, moi, ça va être un 31 jours sur le signe de la tricherie. Excellent. Ben écoute, juste avant de passer à ma thématique à moi, tu vois, quand on parle de d'y aller large, là, il y a Véronique, entre autres, qui nous dit que ce soir, pour le thème de la religion, elle va écouter L'Exorciste, qui est bon, c'est assez simple que c'est sous le thème de la religion. Mais Constantine, tu sais, Constantine, quand on y pense, c'est ben, moi, je pense petit thème. C'est horreur. Excuse-moi, on t'a poussé. Je vois la religion, je vois pas l'horreur, fait que je suis un peu d'accord. Comme, c'est ça, exactement, dans le sens où. Tu sais, on va se laisser inspirer par un film qui nous tente, point final. Ben, Constantine a quand même une couple de thématiques horreur. Il y a le diable, il y a tout plein de trucs, il y a des démons. Okay. C'est de l'horreur amusant qui fait pas peur. Moi, je suis... On rentre pas là-dedans, mais l'horreur, c'est large en tabarouette. Puis c'est personnel à chacun, là, qu'est-ce qui est horreur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sais, un film avec un viol qui est pas nécessairement classé film d'horreur peut être de l'horreur pour quelqu'un, là, tu sais. On s'entend que pour Deliverance, on pourrait en parler longtemps à savoir si c'est de l'horreur ou pas, là. Mais, ou d'ailleurs, ça nous amène à un sujet, je sais pas si tu voulais en parler aussi, des thèmes qu'on n'a pas sélectionnés. Je sais pas si ça faisait parler. Tu veux qu'on en jase? Je fais le pont. C'est bon. Je le tiens en note. Je le mets juste là, ici, sur mon ordinateur. Mais non, je voulais vous parler de ma liste à moi avant. Moi, ma liste, j'y suis allé sous le thème de la shame list. D'habitude, on se fait un épisode shameless à tout bout de champ. Mais là, je me suis dit, mais 31 jours d'horreur, ça va être 31 jours de shameless. Fait que pour chaque thème, j'ai pris un film que j'avais jamais vu puis que je voulais voir. Ça risque peut-être d'être lourd. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir beaucoup le goût d'écouter quelque chose que j'ai vu puis j'ai le goût de voir une valeur sûre. Fait que peut-être que je dérogerai de ma liste. Mais pour l'instant, il n'y a aucun film que j'ai mis dans ma liste que j'ai déjà vu. C'est ce que j'ai déjà avec Trick or Treat. C'est... Ouais, mais non, non, t'as peu. Ça, c'est lui qu'on suggère, mais je dirais pas que c'est lui peut-être que je vais écouter. On a d'ailleurs, entre autres, reçu un screener là, pour une anthologie. Non, c'est un found footage, excuse, c'est un found footage. Donc, ce sera peut-être lui, notre found footage, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup d'anthologies que j'ai le goût de voir, donc ce sera peut-être genre XX, d'ailleurs, là, qui est sur Shudder ou Netflix? Netflix. C'est sur Netflix. Ouais. Donc, ce sera peut-être mon anthologie du mois. Mais Trick or Treat, c'est juste l'idée que on plug juste lui parce qu'on veut que ce soit juste lui que le monde écoute. Mais j'ai fait ça en 2015, un mois de la honte aussi. Puis j'ai aimé ça en 2015, je pense. Ouais, 2014. Oui, j'avais aimé ça. J'ai trouvé ça lourd, mais j'ai aimé ça. Ben, tu vois, Marc-Antoine, la méchanceté, c'est ça qui nous dit qu'il fait lui aussi cette année. C'est 31 c'est jours de la honte. Mais c'est le fun de y aller. Mais moi aussi, j'ai essayé, mais je me suis dit, à un moment donné, je vais manquer de temps. Ben, tu sais, mettons que tu connais, oui. Ça te sort du temps aussi. Tu sais, par exemple, je me souviens plus c'est lequel j'ai mis en fond de footage, là, j'y retournerai. Mais mettons que j'ai manqué de temps, ben, parler de Wreck ou de Quarantine que j'ai vu souvent ou de Blair Witch Project 1, ben, ça m'aide dans le sens où dire, ben, j'ai pas eu le temps de l'écouter mon fond de footage, tu sais. T'as mis Cloverfield. Le premier? Oui. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu, mais je veux le revoir parce que j'ai un souvenir très flou. Okay. Fait que tu vois. C'est pas totalement un shameless parce que je l'ai vu, mais j'ai un souvenir très très flou. Qu'on révélait pas ce que le monde avait écouté. Oh. Ce que le monde avait su. on en donne quelques-uns comme ça, là. On se gâte un petit peu. Mais je sais pas si on va être là tout le temps, tu sais, comme à soir, Steven peut pas être là. Fait que t'as devenu que je suis pas là. Moi, mon film d'asseoir, je l'ai vu pour le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode qu'on a fait. Un des derniers épisodes qu'on a fait. Okay. Ben, tu vois, moi je l'ai dit sur Facebook qu'est-ce que j'écoutais ce soir. Fait que. Bon, ben, désolé. Non, c'est ça. Donc, tu voulais qu'on parle, Vicky, des catégories qui ont été écartées. Parce que je pense que si on regarde ce qui a été écarté, ça se ressemble tout pas mal. Puis je pense que ça montre un peu quel genre de 31 jours on voulait passer. Ça nous a été demandé aussi pourquoi est-ce que ces catégories-là étaient pas là. Vicky, ouais. je te laisse y aller. Tu voulais qu'on ben, je me souviens pas de toutes les catégories, mais je sais qu'il y avait ça tournait beaucoup autour du rape and revenge, le gore, le snuff, torture porn, tout ça. Ça là, ça avait vraiment été beaucoup écarté. Pour moi, quand on m'a demandé genre les films que je voulais écarter, j'ai genre mis les insectes. C'est comme les comédies musicales d'horreur. Ça, on l'a tout écarté sauf GF. Il y en a pas dans mes suggestions, j'ai fait par exprès, il y en a pas. C'est vrai. En plus, j'ai mis des films d'animation, ce qui n'est pas mon fort d'habitude, mais j'en ai mis 3 dans ma liste. En tout cas. Mais t'en as mis des bons. Mais oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est drôle parce que autant je l'imaginais que c'était pas, tu sais, que c'est pas des genres privilégiés, autant que ça a vraiment fait pratiquement l'unanimité que non, ces genres-là, ça nous tente pas cette année. Est-ce que parce que. L'ambiance aussi, là, on s'entend, je parle au niveau des nouvelles, là, je parle de, tu sais, c'est lourd présentement ce qui se passe dans le monde, fait qu'on a peut-être juste pas envie de ça. Je pense que oui. J'ai pas de raison à ce phénomène-là, parce que moi, je les ai pas écartés, moi, ça me laisse assez... Moi, je me rappelle qu'on en a parlé, quand on en a parlé, je me suis dit, ça me tente juste pas. Si j'écoute, si je fais un mois, mettons, je ferais un mois que j'écouterais 31 films, ça me tente juste pas d'écouter des affaires. Mais tu sais, c'est moi, je suis une petite nature, puis même si j'ai vu toutes les décadences ou j'ai vu, j'en ai vu des torture porn puis des films gore, mais ça me tente juste pas. Fait que j'ai envie d'avoir du fun, puis je préfère écouter des films comme Return of the Living Dead ou des Friday the 13th ou des affaires de même, tu sais. Plutôt que des films où ce que le monde, ça s'arrache des bouts de corps, d'affaires de même, tu sais. Mais quand c'est fait, pour être comique, un peu comme dans des Freddy ou des trucs comme ça, je dis comique, mais c'est, plus cartoon, ça me dérange moins qu'un Human Centipede, ça m'écœure, puis j'ai pas envie de le voir, tu sais. Ben, je l'ai déjà vu, mais j'ai pas envie de le revoir. On a eu certaines de nos suggestions que certaines personnes ont mis. C'est des films un peu, je pense qu'on a Human Centipede 3, entre autres, et Thanatomorphose, si je ne me trompe pas. Pour ne nommer que ceux-là, mais tu sais, on en a même quelques-uns. On a eu ça, la Louvre DSS. Ça, là, j'ai tellement hâte de savoir c'est qui. Je suis désolée d'avouer que c'est pas moi, là, mais j'ai ri ma vie en voyant. C'est comme, mais qui veut. Oh my god! Fait que ça, là, faut absolument qu'on en parle. Ça fait trop rire. Dans le Grind House, jour 7, ça veut dire que c'est. La semaine prochaine, on va pouvoir déjà en jaser. Parce que c'est ça, pour dire aux gens, on a un Google Doc où on a tous mis nos choix de films, mais après ça, j'ai dit non, je veux pas aller voir, je veux comme savoir qui a choisi quoi. Fait que c'est un peu personnel à moi aussi, l'idée de pas dire, on le sait, il est là, l'information, on l'a tous, mais j'ai envie de, comme d'avoir des surprises aussi. Moi, je les ai devant moi, là. C'est moi qui ai rédigé la liste sur le site, là, j'avais comme pas le choix, là. Mais donc, moi, je sais qui a mis quoi. Mais ça reste très hot comme liste. C'est ça ou juste que je vais faire comme « Ah, oh, ouais, Seb, t'avais jamais vu ça? » Ouais, écoute, ça se peut, là, ça se peut, on sait jamais, là. C'est ça qui va être le fun. Ça va être le fun. Je serais curieux de savoir c'est quoi la thématique de la liste de Steven. Je pense que Steven, il est plus allé dans des suggestions que vraiment des films qu'il avait qui avait pas vu ou quoi que ce soit, là. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis tu vois, regarde, il y a déjà du monde sur le chat qui nous dit on n'a pas la catégorie sorcière, entre autres. C'est vrai, on n'a même pas pensé. Aujourd'hui, j'ai pensé à la catégorie enfant tueur. On n'y a même pas pensé non plus. On a fait beaucoup d'épisodes sur des enfants tueurs quand même dernièrement, dans les dernières années. Ouais. Ouais. On a eu un épisode sur les sorcières aussi dernièrement. L'année passée. Bon, attends, ça fait un petit bout. Mais c'est ça, mine de rien, l'idée de tout ça, c'était de montrer que l'horreur était large, tu sais. Le thème de l'horreur est large, puis ça s'arrête pas juste aux slasher ou aux trucs hyper violents ou les clichés qu'on est habitué d'entendre. Puis en tout cas, moi, personnellement, c'était ça que je voulais qu'on véhicule comme message cette année. Je voulais qu'on montre aux gens, néophytes ou pas, que arrêtez de penser que l'horreur, c'est rien que votre petite définition, vous autres. Ouais, enlevez vos ouais. œillères, puis allez voir ailleurs, tu sais. Moi, il y a des thématiques, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont faire comme Grindhouse, j'ai jamais rien vu de tout ça. Je connais presque pas les fantômes asiatiques, ou j'haïs les found footage, ou c'est quoi ça, des films d'horreur bizarres, j'ai rien à le goût de voir ça. Ben, le Monkeymentary, ça a généré une certaine discussion, mm-hmm. parce que moi, je voyais pas de différence entre un Monkeymentary et un fun footage, ne serait-ce que parce que moi, dans ma tête, un Monkeymentary, ça prenait de l'humour. Ben, j'en voyais, mettons, Spinal Tap ou tout ça. Puis là, j'étais comme, ben, il y a Behind the Mask, mais je l'ai vu tellement souvent, ça me tente pas vraiment de le mettre dans la liste. J'aurais aimé ça de trouver autre chose. Ben, tu sais, ça a quand même généré quelques questions sur c'est quoi un Monkeymentary en horreur. Puis là, ben, tu vois, finalement, la liste qu'on a pour Monkeymentary, les mockumentaires, donc les faux documentaires, des films qui ont l'air d'être des documentaires, mais qui ne sont pas, c'est arrivé près de chez vous. On en avait fait d'ailleurs un épisode sur ce film-là. Oui, c'était quoi l'autre film? J'essaie de me rappeler du titre. Je sais plus non plus c'était quoi le titre de ce film-là. C'était Il y a le symbole infini, me semble, c'était, dans le titre. En plus, c'est un film que moi, j'avais suggéré parce que je l'ai chez nous. Je vais essayer de le trouver pendant qu'on en jase. C'est un film sur un gars qui veut faire des snuffs, mais qui fait en tout cas quelque chose comme ça. Là, C'est un film qui parle de... il fait un documentaire sur les snuffs, puis il finit par se rendre compte qu'un des réalisateurs de snuffs, il fait pas vraiment du fake, c'est des... C'est ça. C'est des vrais, là. C'est des vrais films violents. C'est 8 mm avec Nicolas Cage. Presque. Ben, ça avait été comparé à ça. Sandman. Sandman, c'est ça. Le signe de A, man. Ok, c'est ça. Donc, c'était vraiment monté comme un documentaire, puis finalement... Puis dans le film, t'avais des vrais réalisateurs qui faisaient des entrevues à la caméra, puis t'avais lui mêlé au travers, mais lui, c'est un acteur, tu sais, qui joue le tueur dans le film. Ouais, fait qu'il parlait de vrai snuff et de ce gars-là qui faisait des... Il avait des vraies interviews, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était quand même bien fait, à part la finale qui gâchait un peu tout. Je sais pas si tu t'en rappelles, Jeff. Mais oui. Donc, on a aussi suggéré The Poughkeepsie Tapes. J'ai de la misère à le dire. Incident at Loch Ness et Human Centipede 3. Donc, c'est Tu sais, comme Vicky, ton film de dans des montagnes, les gens qui faisaient l'escalade puis qui sont allés dans une caverne, tu as mis ça dans tout dans le documentaire. Tout, non, j'aurais mis ça dans le fan footage. C'est un fan footage. C'est ça. Et là, la ligne. Moi, dans ma tête, on dirait que c'est un fan footage pas mal tout le temps, sauf si c'est assumé comme un documentaire, comme c'est arrivé près de chez vous. Mais ça marche pas, un found footage, si mettons, c'est des entrevues à caméra, ou, ben, je veux dire, ça pourrait fonctionner, oui. Mais, tu sais, found footage, c'est vraiment du... Ça le dit, c'est quelque chose qui a été trouvé... Quelque chose de brut, là, tu sais. Ouais. Comme si t'avais l'élément brut. Qu'il n'y a pas d'intro, qu'il n'y a pas l'intro de « Nous avons trouvé ces cassettes-là ». Parce que moi, je trouve que les found footage obéissent à des lois, dont celle de... la justification de où avons-nous trouvé ces images-là et pourquoi nous les utilisons. Oui, exactement. Tandis que le mockumentaire a plus le désir de « voici, on a fait un documentaire sur quelque chose de terrible ». Je pense aussi à « Mungo Lake », qui était un documentaire des enlèvements. Je me souviens pas, mais... C'est la disparition d'une famille qui avait perdu leur fille, puis de manière bizarre, avec des trucs un peu surnaturels. Et c'était Chris Nofrick. Sinon, je pense à Fourth Encounter. Avec Mila Jovovich. Avec Mila Jovovich. Ouais. Qui est un très bon exemple de mockumentaire. Mais encore là, il y a des. Ouais, là, il y a des. Ouais, c'est un mockumentaire. Ouais, il y a des entrevues à caméra, mais ça reste que c'est du fond. C'est un mélange des deux, en fait. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que je trouvais la ligne difficile à dessiner. La ligne était très mince, c'est. Puis je pense que c'est un peu ça tout le long dans nos 31 jours. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous parlait, qui disait, c'est quoi la différence entre un film sur la religion puis un film de possession? C'est sûr que 95% des films de possession, il y a de la religion dedans, tu sais. Mais est-ce que tous les films qui vont traiter de trucs religieux ont de la possession dedans? Non, tu sais. Fait que c'était comme... C'est pour ça que les deux peuvent s'y retrouver. Je regarde notre liste qu'on a pour ce soir. D'ailleurs, on a Under the Shadow. Il n'y a pas de possession là-dedans, ça. Il n'y a pas de possession là-dedans, mais ça parle beaucoup de. Ben, ça parle beaucoup de religion. Oh, oui. Oui, ça, il y a de la religion, là, mais il n'y a pas de possession. The Omen. Aucune possession là-dedans. Pas que je me rappelle, non. God Told Me To. Je ne crois pas. Non. The Prophecy. The Prophecy. Ah, c'était avec Christopher Walken, ça. Ouais, c'est ça, hein. Je l'ai jamais vu, en fait. J'ai toujours voulu le voir, mais je l'ai jamais vu. Bon. Est-ce que c'est toi qui l'as mis? Et sinon, The Devils de 1971, qui, je ne crois pas, pas de possession. Oui, ça traite de possession aussi, mais ouais, c'est ça. Ah, ouais. Donc, tu vois, regarde, finalement, de la possession, il n'y en avait pas tant que ça aujourd'hui dans notre thématique de la religion. Donc, bon, c'est sûr qu'il risque d'avoir des requins dans la journée des requins. Peut-être des alligators ou des crocodiles. Ça, on le sait pas. Peut-être qu'ils se sont trompés d'océan. Peut-être. Tu sais, maintenant, tu nages, puis ben, tu te perds. J'ai mis ton commentaire tantôt, Vicky. Si elle a des dents, c'est pareil. Ben oui. C'est ça. Moi, j'ai des dents, je suis pareil aussi. T'sais. Et voilà. Mais donc, c'est ça. Peut-être le film du vagin qui a des dents, là, ça a été pareil. Ah, aussi. God, comment ça s'appelle? C'est. Pas Zombieaver, non, c'est. Je me souviens pas du titre, mais je l'ai jamais vu. Pourquoi je me trompe? Je sais quoi? Ouais. Oh, j'aurais dû mettre Piranha 3D. Hey. Non, ben, il est déjà dans les animaux, les méchants animaux, là. Je voulais finir une petite note sur le mockumentaire, quoi. On va revenir deux secondes là-dessus, mais l'aspect humoristique, quand on se mélange quand on pense au mockumentaire, puis on pense qu'il faut absolument que ce soit comique, j'ai fait une recherche l'autre fois sur Google, puis je l'ai montré à Vicky, tu sais, je pense que to mock en anglais, ça peut être pris de différentes façons, mais il y a une définition de mock qui est genre, c'est plus pour pas rendre hommage, mais comme copier ou. C'est pas moquer. C'est le mock, c'est pas de la moquerie, c'est ça. Non? Il y a un peu de limitation. Nécessairement... Ouais, limitation, ouais. Mais oui, c'est vrai. Pas de la parodie nécessairement, tu sais. C'est... Non, exactement. Il y a, tu sais, regarde, si on regarde dans les traductions, tu sais, oui, il y a se moquer, tourner en ridicule, mais t'as aussi faux. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un faux documentaire. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu traduire probablement par faux documentaire. Puis je pense que ça a tellement été clair. Tu vois, c'est arrivé près de chez vous, c'est un faux documentaire qui peut être comique, mais l'humour est vraiment malaisant. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Puis à l'autre opposé, t'as des trucs comme What We Do in the Shadows, qui est un faux documentaire, mais qui est vraiment très comique. C'est pour plusieurs, parce que moi, je l'ai pas vraiment trippé, mais c'est un exemple. Là. Mais c'est ça. Mais c'est ça, sauf que... je me suis plus que je t'ai coupé la parole pour perdre mon idée. Wow! On parlait des... Ah oh, oui, faux documentaire! L'affaire, c'est que pour moi, un found footage est un faux documentaire dans le sens où on les rend. C'est très rare qu'on extrait l'idée du documentaire. Et encore aujourd'hui, je crois, c'est quoi? C'est le mois dernier ou le mois d'avant que je parlais, que je voyais des gens encore s'obstiner sur le projet Blair 1. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien, il y a encore des gens qui pensent que le found footage, c'est des vrais films. Donc, moi, dans ma tête, le found footage est encore pour un bassin de gens qui ont peu accès au cinéma, on va se le dire. Mais le found footage est encore des vrais films. C'est pour ça que je trouvais que la ligne était mince, parce que si on dit que le found footage, c'est du faux documentaire, là, tu sais, on vient à encore brouiller les pistes. Mais, tu sais, à la base, un documentaire, si tu décides, OK, moi, je vais écouter un documentaire à soir sur Netflix, peu importe, tu sais, tu t'attends pas à voir du footage qui a aucun... Aucun contexte, qui t'est foutu là, puis c'est juste des images filmées mis bout à bout, ouais, un peu comme, ouais, comme Cloverfield. Mettons, Cloverfield, tu vois vraiment la coupure dans le tape, tu vois le tape qui est, tu vois le footage qui était avant, qui a été effacé, tu vois ouais, les trucs ouais, comme ouais, ça. Tu vois du montage un peu. Mais à l'opposé, t'as, mettons, Diary of the Dead de George Romero, où ce que t'as une narration, puis t'as de la musique, c'est expliqué au début que ça a été trouvé, puis ça a été remonté, puis tout. T'as fond de footage, je peux prendre plusieurs. Mais. Oui. Ça peut finir par ressembler à un documentaire, mais à la base, un documentaire, c'est supposé avoir une thèse, c'est supposé avoir une théorie à exposer, je pense. Une idée qui prouver quelque chose, démontrer quelque chose à l'aide du documentaire. Alors ouais, que ben, peut-être on fait faire juste un genre de musicographie à la Spinal Tap, je suppose. Là, j'ai j'ai jamais vu Spinal Tap chez mon ami, là, mais c'est pas, il n'y a pas une thèse, il n'y a pas une théorie, c'est pas un Michael Moore, là, mais ça reste que c'est un... Puis souvent, dans le fond footage, tu vas trouver des scènes que tu ne retrouverais pas dans le documentaire, tu sais. Les scènes où ce que le monde sont autour du feu, dans le bois, en train de jaser, puis blablabla, de n'importe quoi, tu sais. C'est des scènes dans le found footage qui sont là pour la construction de personnages ou des mises en contexte. Tandis que, justement, dans un documentaire, tu couperais ça, puis tu mettrais une voix off, tu sais, qui nous présenterait qui sont ces personnes-là. Tandis que le fond de footage, on fait juste penser au VHS, tu sais. La série VHS, il n'y aurait jamais... Il y a bien des scènes là-dedans qui ne seraient jamais montrées dans un documentaire parce que c'est totalement useless, tu sais. De toute façon, à la base, tu te demandes, ça serait un documentaire sur quoi, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi pour... Puis je défends rien, là. Je veux dire, c'est juste des constats, en fait. Parce que, pour vrai, je l'ai lu, il y a 2 mois, quelqu'un sur un groupe d'horreur défendre le point qu'il était convaincu encore à ce jour que le projet Blair, ce qu'on avait vu, et non l'histoire, là, mais ce qu'on avait vu était des vraies images. Et j'étais comme, OK, fait que la justification à la caméra est vue vraie pour certaines personnes. Il y aura toujours du monde s'ostiné. Il y a du monde 16 ans plus tard qui pense encore que le 11 septembre, c'est une job de l'intérieur. Fait que à la limite, ça, je vais mettre des guillemets, OK? Je peux comprendre. Mm-hmm. Mais tu sais, quand tu regardes le projet Blair, puis que tu vois que les acteurs ont joué dans d'autres films, puis que le réalisateur, puis que sur IMDb, il y a un réalisateur, puis il y a des producteurs, puis que le réalisateur a fait d'autres films, mais tu fais comme, regarde, man, là, je l'ai écrit noir sur blanc. C'est faux. Y a-tu des making-of sur les DVD, genre? Il y a des entrevues, tu sais. Tu peux trouver des entrevues avec les acteurs. Mais moi, je me souviens, comme un peu après la sortie du film, moi, je l'avais écouté, puis c'est quoi, c'est 98-99, projet Blair, le premier? 99, je pense. Bon, que moi, j'ai 10-12 ans, OK? Ouais. Quand je l'écoute, puis je vais toujours me souvenir, ma mère, puis moi, ça a fait comme la déconnexion culturelle entre ma mère et moi. Elle arrive avec une revue à Potin, puis elle me montre, regarde, Vicky, je te l'avais dit que ça pouvait pas être vrai, le projet Blair, regarde, les acteurs ont gagné des prix, ils sont même pas morts. Je regarde ma mère... J'ai quoi, 12 ans? Ma mère est dans moi, je suis comme, mais j'ai jamais cru que c'était vrai. Tu sais, puis ma mère, elle voulait pas me convaincre. Elle voulait pas me convaincre que n'aie pas peur parce que j'avais pas peur. Elle voulait pas me convaincre. Elle se parlait à elle-même. Tu sais, elle voulait dire, hey, regarde ça, là. Il essaie de nous faire à croire que c'est vrai, là, mais regarde, les acteurs gagnent des prix. Puis moi, j'ai fait, oh my god, ma mère croyait que c'était vrai. Et j'ai 12 ans, là, je vais toujours me souvenir de cette scène-là dans la cuisine chez nous. Je suis comme, ma mère croyait que c'était vrai. Non, j'en ai connu du monde aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore, tout dépendamment jusqu'à quel point le fond de footage peut être tiré par les cheveux, là, mais il y a des gens qui croient encore que c'est vrai. Mais il y a des gens qui ne voient pas des dizaines et des dizaines de films d'horreur par année aussi. Et voilà, je sais. Qui n'ont pas cette pratique-là du found footage. Et le projet Blair est un des plus populaires au cinéma et tout. Là. C'est encore du monde qui vont penser que Cannibal Holocaust aussi, c'est du vrai. Ouais. C'est... Quelqu'un qui a vu 50 found footage dans les 15 dernières années, il connaît les codes, tu sais. Oui. C'est ça. Oui, il est patient. Non, ben aussi, tu sais, c'est que je connais pas beaucoup de found footage qui a pas son petit défaut, son petit moment où est-ce que tu fais comme nah, non. Ouais. Tu viens de le perdre là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aujourd'hui, ben surtout quand on en a vu plusieurs, on est capable de reconnaître ces petits moments-là où est-ce qu'on fait comme damn it, t'aurais pu avoir le monde, mais là, c'est fait, tu nous as perdu, tu sais. Ouais, c'est une bonne question. Il n'y en a pas de found footage parfait là, qu'on... Ben, tu sais, si on pense que Blair Witch peut encore mêler le monde 20 ans plus tard, c'est sûr que c'en est peut-être un, là, mais... Je pense que Blair Witch en est quand même un des bons. Oui. Et je pense que ça dépend, comme je te dis, jusqu'à quel point c'est tiré par les cheveux, jusqu'à quel point ça fait... Il y a ça. Fantastique. Wreck, c'est des zombies. Je veux dire, ma mère n'aurait pas cru qu'il y aurait quelque chose comme ça. Ben, Cloverfield, tu peux pas vraiment y croire. Non, parce que tu n'aurais pas entendu parler. Mais je pense, admettons, un Willow Creek. Ça, je pense que ça en est un. Je pense que ça en est un. Willow Creek, c'est lequel déjà? C'est le Bigfoot Wakey. Oui. Ouais. Moi, j'y ai pensé tantôt. Je me dis, c'est réaliste. Puis c'est tributaire de Blair Witch. Là. C'est, oui. C'est très. Oui, ben, c'est un descendant direct de Blair Witch. Là. Oui, puis c'est. Ça traite encore plus d'une croyance. T'es sûr que si tu poses la question demain à du monde, tu crois-tu à ça, le Bigfoot? T'sais, il y a du monde qui vont peut-être te dire, ben, je sais pas, oui. On n'a pas de preuve, mais why not? T'sais? Ça remonte à beaucoup plus loin que, mettons, c'est pas une invention comme la sorcière de Blair, là, t'sais, qu'on n'a jamais entendu parler avant 1999. Là, t'sais. Exactement. Donc, t'sais, si on fait comme, ils ont retrouvé un tape de du monde qui se sont fait attaquer par quelque chose de géant dans le bois. Puis on pense bien que c'est le Bigfoot. Il y a peut-être du monde qui vont faire comme, ben, OK, oui, je serais prêt à te croire si c'est crédible, tu sais. Ou un qui est sorti. Hey, on fait un épisode sur le fan footage, c'est drôle. Ouais. Un qui est sorti dernièrement. J'ai le titre en anglais alors que c'est un film français, ça m'énerve. Là, c'est As Above, So Below. Ouais. Ah oui, j'ai aimé ça. Oui, ça. Dans les catacombes de Paris, c'est ça. C'est ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé, mais peu importe, reste que l'histoire se tient dans le sens où. C'est dans les catacombes de Paris. Qui sait qu'est-ce qui se passe? Et c'est romanesque. C'est fantastique. Oui. Ça l'appelle à la curiosité. Là. Tout le monde voudrait visiter un endroit comme celui-là. Mm-hmm. Fait que ça l'appelle à notre curiosité. Ça l'appelle à notre sens fantastique, à notre sens romanesque, à notre sens... T'sais. Ça vient tellement nous chercher qu'on veut embarquer dans cette histoire-là là, totalement. Fait que moi, je pense que certains ont embarqué parce qu'ils ont cru jusqu'à une certaine limite. Moi, j'ai débarqué fait que je me souviens plus comment c'est. Ah, moi, je veux pas. Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé. J'étais. Ouais. Je m'en allais sur quelque chose, puis je veux pas qu'on passe 3 heures là-dessus, là, mais le found footage, tu vois, ça a passé des années à essayer de nous convaincre que c'était vrai. Puis c'est rendu maintenant à un autre niveau, parce que je pense au film Creep avec Marc Duplass, qui là fait appel à un acteur qui est connu, qu'on a vu dans des tonnes de films. Tu peux plus y croire au found footage à ce moment-là. Mais c'est devenu un genre, c'est devenu pas juste un sous-genre, mais c'est devenu une esthétique. Oui, exact. Oui. Puis je pense qu'on en parle là, à cet épisode-ci, aussi longtemps, parce qu'en 2017, on a le recul pour l'apprécier, puis un recul pour le comprendre. Comme en 90, on parlait des slashers, comme au début 2000, on parlait du gore, aujourd'hui, on est dans le moment où on peut parler du found footage comme un genre en soi, comme quelque chose qui, non pas éclos, mais au moins est cerné. Donc, c'est plus facile. Puis c'est pour ça qu'on va s'épivarder sur ce genre-là, probablement plus que sur le genre du requin, parce que, tu sais, requin et crocodile, c'est la même affaire. Mais il y a des gens qui pourraient être confus là-dedans. Et voilà! Non, ça a des dents, tu sais. Mais tu sais, non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un genre que les lois ont été définies, mais qui n'ont pas été transpercées encore. Peut-être avec Creep, mais les lois, ils viennent, tu sais, on a le slasher, les lois ont été transpercées, le gore, les lois ont été transpercées. Là, le found footage, maintenant, qui est défini, cerné, il reste à le transpercer. Fait que pour ça, il faut qu'on en parle. Et pour ça, il faut qu'on soit sûr de ses balises. Oui, parce que c'est bon ce que tu dis, que ce soit transpercé, parce que. pendant longtemps, le found footage avait comme but de nous faire croire que ce qu'on voyait était réel. Ouais. C'était ça le but, tu sais. Ouais. C'était de dire, c'est réel, regardez comment que ça a l'air réel. Donc, fait que c'était confiné dans cette idée-là, mais c'est plus malléable que ça. Maintenant, Creep nous a montré puis d'autres films comme ça avec des acteurs connus ou des choses qui sortent du réel, tu sais, nous montrent que c'est plus malléable. Sacrament, tu sais, je veux dire, de Sacrament, qui va utiliser le found footage pour nous parler de quelque chose de réel, tu sais. De nous dire, regarde, je vais vous raconter une histoire vraie avec des acteurs que vous avez déjà vus dans d'autres films, mais on va utiliser ce found footage pour que vous ayez l'impression de vivre exactement comment ce genre de choses-là s'est passé. Très bon exemple. Très, très bon exemple de comment un genre peut évoluer avec ses codes. C'est ça. Donc, tu sais, demain, on voudrait faire une histoire sur, admettons, bon, on a vu ça aux nouvelles, là, le couple, là, c'était en Russie, là, le couple de cannibales. Bon, ben, tu sais, on en ferait un found footage pour faire en sorte qu'on écoute ça puis qu'on soit plus saisi, tu sais. Donc, le found footage va devenir une manière de raconter une histoire plutôt que juste une gimmick. Tu sais, ce sera Et j'ai envie d'ajouter, il faut que cette manière-là soit faite intelligente et consciente parce qu'on pourrait en être tenté de, par exemple, faire un found footage sur Luca Rocco Magnotta et d'y mettre ou de refaire la scène qui était populaire, la refaire, mais identique en disant c'est la même alors que ça ne l'est pas, mais juste pour jouer avec ça. Et est-ce que ça, c'est bon ou pas? Le film n'a pas été fait, là, on parle d'une hypothèse. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment être en pleine mesure de comprendre ce qu'on a entre les mains avant de s'y aventurer. Oui. Pour en faire, mettons, ce genre de film-là. Ça pourrait être très, très, très, très dangereux. Ou l'on tomberait dans un autre sous-genre qui s'appellerait le fausse neuf. Ouais, tu sais, Parce que le vrai vidéo, c'était du snuff, dans le fond. Ben oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça, mais tu sais, peut-être que le film pourrait être très bon. Je sais pas, il existe pas, Chris. Je peux pas critiquer un film qui existe pas. Mais l'idée, à la base, c'est pas la meilleure. Mais comment tu me la rends, tu peux le rendre meilleur. Ouais. Tu vois, dans les commentaires sur le chat, il y a Yannick Vachon qui nous dit que le film Hardcore Logo, un film punk, certains pensaient que c'était vrai. Je regarde vite, puis c'est un film indépendant, road movie de 1996. Très bien critiqué, d'ailleurs, sur IMDb, une note de 7.4, donc... C'est un titre que je connais, mais j'ai jamais vu le film. OK, tu vois. Mais regarde, ça date pas d'hier, là, le found footage, là, ou en tout cas le faux documentaire qui va réussir à berner les gens. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de me rappeler tout ce qui avait entouré le Slenderman, la série de vidéos sur le web qui parlait de Slenderman, qui était un genre de found footage aussi, où c'était un gars qui retrouvait des cassettes qu'un ami vidéaste avait filmé, puis disait j'ai vu des trucs bizarres dans ces cassettes là puis je veux les uploader sur YouTube. Et ça s'appelait je suis déçu, je suis pas capable de le trouver, le titre de la série. Mais c'est ça, c'est, je pense, le truc qui se rapproche le plus du found footage réaliste, où ce que c'était tellement dans le minimaliste, tu sais, c'était tellement des images banales avec un petit élément en arrière-plan, où ce que tu fais comme oh ok, ça pourrait berner des gens à la limite, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'internet, les sites à profusion, Facebook. Je pense que maintenant, si vous voulez berner des gens, vous faites des fausses nouvelles. Vous faites plus des films. Oui, c'est vrai. Ouais. Écrivez-les. Ça n'a pas vraiment rapport à ma pensée, mais oui, en même temps, c'est je pense que les ancêtres du found footage, c'est un peu les vidéos d'OVNI comme à Roswell, les fausses photos et trucs comme ça, ou les photos du Loch Ness qui sont sorties des années 50-60, tout ça, là, les fausses photos du monstre du Loch Ness. Oui, ben tu vois, Yannick Vachon, pas tard, il dit, juste si c'est écrit avant le film, basé sur une histoire vraie, les gens vont tout de suite y croire. Puis ça me fait penser à certains films que tu vois basé sur une histoire vraie, puis quand tu recheckes plus tard, tu fais comme « Mais non, c'était même pas basé sur une histoire vraie, ils ont juste berné, là, tu sais, là. » Mais c'est comme, tu sais, on se demandait, Vicky, tu pensais que Henry, Portrait of a Serial Killer, c'est un genre de documentaire slash found footage, mais dans la tête, à moi, c'est présenté comme ni l'un ni l'autre. Fait que, tu sais, c'est... Mais moi, dans mes souvenirs, la caméra était vraiment shaky, intrusive, comme non, quasiment humaine. Puis, comme je te dis, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis, ça doit faire minimum 6-7 ans que je ne l'ai pas vu, là. Fait que, on s'entend. Puis, il était sur les listes. Quand je cherchais les mockumentaries, je te jure qu'il était sur toutes les listes. C'est basé sur une histoire vraie, je pense. Je suis pas certain, mais... Mais il était là, tu sais, je veux dire... Peut-être, oui. Parce que non, la caméra est fixe, elle est sur trépied. En tout cas, je pense, là, on l'a vu, on a fait un épisode dessus il y a quelques années. Comme je te dis, moi, ça doit faire 5-6 ans que je l'ai vu. Fait que, tu sais, c'est flou dans ma tête. Puis, tu sais, je me souviens que la caméra est sale, le lieu est sale, tout est sale. Puis j'avais le feeling que la... Tu sais, pas que le caméraman jase, là, mais juste qu'elle était très intrusive. Puis là, je le voyais ses listes. Fait que... Puis il y a même quelqu'un qui l'a suggéré. Quand j'ai demandé de moi des suggestions de mockumentary, il y a quelqu'un qui me l'a suggéré aussi. Peut-être qu'il a confondu mockumentary. Avec genre inspiré d'histoires vraies ou quoi que ce soit. Mais c'est peut-être aussi parce que mockumentary, c'était très flou. T'sais. Ouais, exact. La série que je parlais tantôt, c'est Marble Hornets. Je l'ai partagé dans les commentaires de l'épisode là, pour ceux qui veulent aller voir. Là, une quarantaine d'épisodes, c'est des vidéos de 2-3 minutes. Là. C'est quand même intriguant comment on peut prendre des petits trucs pour en bâtir un mythe à travers tout ça. J'aimerais ça qu'on passe une petite pause musicale. Prendre une petite pause pour qu'on recommence après ça en discussion. Je pense qu'on on a fait le tour des found footage et des mockumentaires. Je cherchais des suggestions musicales. Avez-vous une suggestion, les amis, sur le chat? Ben, genre. Je vais aller sur Google. Ouais, va sur Google. On va faire comme Vicky. On va aller sur Google. Je vais marquer mockumentary music. Ah, ouais. Puis là. Moi j'aurais tapé calendrier. Tu sais, c'est les 31 jours, mais c'est correct. Non, ben écoute, on va y aller avec une toune de This is Spinal Tap. Ah. Non, tu vois? What? Tu vois comment mon truc fonctionne? Hein? On rit de moi, là, mais mon truc fonctionne quand même. Écoute, on va y aller avec une toune de This is Spinal Tap. Connaissez-vous? Je le connais pas assez. Je l'ai vu, mais. Hey! J'ai vu This is Spinal Tap et GF n'a pas vu This is Spinal Tap. What the fuck? C'est malade, ok. Je suis impressionné, Vicky. Sérieux? On est tellement dans un Twilight Zone présentement, là. Je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une pause. Et ben, ça va être une toune de This is Spinal Tap. On vous dira le titre tantôt. Je regarderai. Puis on se retrouve après pour un petit peu plus des 31 jours d'horreur. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived an ancient race of people, the Druids. No one knows who they were or what they were doing, but their legacy remains, hewn into the living rock of Stone Age. Meow. I will take you there. I will show you how. And oh, how they danced, the little children of Stone Age, beneath the haunted moon, for fear that daybreak might come too soon. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour de cette pause musicale. Alors, c'était la toune Stonehenge de This is Spinal Tap. Vicky aurait une anecdote incroyable à vous raconter. Vous aurez juste à aller voir notre diffusion live sur Facebook. Donc, vous pourrez voir qu'est-ce qu'elle avait de passionnant à nous dire sur ce film de This is Spinal Tap. C'est très, très drôle. Vicky, d'ailleurs, je vais y aller avec toi. Tu avais une question pour nous autres pour relancer cet épisode. C'est que les gens s'en doutent bien. On a un épisode à tous les dimanches, au lieu d'être un dimanche sur deux ce mois-ci. Mais si on dit qu'il y a 4 personnes, 7 films, ben ça fait gros du film par épisode. Fait qu'on s'est dit, on sait pas trop comment qu'on va rimer ça, mais on va souvent, sûrement qu'il y en a qui vont juste se tasser ou dire je l'ai pas vu ou ça a pas donné ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'avais la question si on avait une idée de comment nous allions retirer des films de la liste. Et j'en retire déjà un parce que je ne savais pas qu'Annabelle 2 arrivait si tôt. Et je ne sais pas comment je vais écouter, je vais réussir à le voir. Je suis pas allée le voir au cinéma, puis je m'étais dit, peut-être qu'à la fin du mois, il va arriver sur iTunes. Mais comme c'est genre demain, c'était moi qui avais choisi Annabelle 2. Je l'écouterai pas. Et moi, chez lui, encore une tricherie. Je triche encore. Il vient de partir de notre bord, Annabelle 2. Donc. J'ai pas pu le voir non plus. Mais écoute, mais c'est bon que tu poses la question. Évidemment, on parlera pas de 28 films. Admettons, là, 21 si on était juste toutes les trois. Là, ça aurait juste pas d'hostie de calice de Chris de bon sang. By the way, on était un podcast pour. C'est pas pour, tant intéressant non plus, non. Considérant qu'on peut pas répliquer. Non, c'est ça, parce que veut pas, quand on parle de films comme ça, chacun de notre bord, ça donne des monologues. T'sais, c'est pour ça que dans les épisodes, on écoute tout le même film. Ça fait des discussions, tu sais, c'était ça dans Le Bras de Fer, puis c'est ça avec Steven dans Science de minuit, puis c'est ça dans pas mal les meilleurs podcasts que j'écoute. Tu sais, c'est un peu tannant quand quelqu'un a vu quelque chose tout seul de son bord, puis il est 10 minutes en parler, puis les autres sont juste comme « Ah, ben cool, merci. » Ça a l'air bon. Ah, je vais l'écouter. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Ah, merci. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, c'est sûr qu'on va y aller avec soit parler en général de la thématique, si on a quelque chose à dire, mais... Avant l'enregistrement, je pense qu'on va déjà prédéfinir les titres qu'on va écouter. Tu sais, je sais pas moi. Admettons Poupée. Je regarde les suggestions. On a Magic. Magic, on a déjà fait un épisode là-dessus. T'sais. Child's Play 2. Pas mal de monde qui ont déjà vu ça. On a Cult of Chucky qui est sorti. C'est plus récent, ça? Ouais. Ouais, c'est plus récent, c'est nouveau. Puis on a Night of the Living Dummy 1, 2, 3 et Bride of the Living Dummy. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va peut-être parler de Cult of Chucky. Et Annabelle 2, mais je le retire déjà. Pour Annabelle 2, vous irez voir l'excellent épisode que Steven et Marc-Antoine et Jean-François Ouellette ont fait pour Séance de minuit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, donc c'est ça. Je pense qu'on va, on va quand même y aller avec la logique. T'sais. On ne se retapera pas une discussion sur Magic. On va vous référer à l'épisode parce que, de mon souvenir, mais en tout cas, je sais qu'il me semble que Jeff, toi, tu avais adoré ça, Magic. Oui, moi, oui, j'avais oui. adoré ça. Toi, Vicky, tu l'avais-tu? Oui, oui, oui. C'est le, oui, le film Steven qui est avec qui est en cover. Anthony Hopkins, ouais, celui qui est en cover. C'est ça, je me souvenais plus du titre du film, mais oui, oui, oui, c'est un très, très bon film, oui. Ah, puis j'ai acheté le livre après, puis je l'ai lu, puis c'est fucking bon aussi. Tu devais nous en reparler. Oui. On se garde ça pour l'épisode. OK, c'est beau. Ouais. Oui. Ben oui. Oui, oui. Donc, c'est ça. Fait, finalement, ce qu'on essaie de dire, c'est que très chaud, donc pour les Patreons, avant qu'on il va y avoir chaud, la... C'est ça? Ouais, aussi. Le, c'est pré-show, c'est dans tous les mots que vous tu, dans toutes les lettres que tu veux l'écrire. Pour les Patreons, avec les Patreons, on va choisir en fait les films dont il sera question durant l'épisode. Mm-hmm. Parce qu'on va faire le débat avant l'épisode, mais on va être déjà live pour les Patreons. Fait qu'ils auront quand même un peu un mot à dire parce que si tout le monde veut entendre parler d'un tel film, ben je vois pas pourquoi qu'on n'en parlerait pas. Ben, t'as tout à fait raison. Tu dis avec les Patreons, avec le monde qui vont nous écouter live, parce qu'on se rappelle très bien que oui. pendant les 31 jours d'horreur, les épisodes sont live et gratuits pour tout le monde. C'est comme si oui, on était débrouillé. C'est le grand oui, débrouillage horreur gamer. Oui, on a... Oh my God! On a un groupe Facebook pour les 31 jours. On a, ben, qui est ouvert à l'année, mais ça marche surtout durant les 31 jours. Oui. C'est là que les discussions étaient plus focusées l'année passée là-dessus. Fait que, oui. Est-ce qu'on fait encore... On se sert encore de ça? J'ai goût de me servir encore de ça. Puis là, ça va sonner un peu comme personne qui veut attirer du monde sur sa page. Mais je trouvais que ça faisait en sorte que le groupe avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Il y avait du monde qui était sur le groupe. Mais quand après ça, c'était terminé, ces gens-là, on les revoyait plus. Tu sais? Oui. Ils participaient pas vraiment aux discussions sur la page ou quoi que ce soit. Fait que j'ai l'impression... Je trouvais que c'était plate parce que c'était un paquet de monde qu'on perdait. Fait que je sais pas si je veux vraiment qu'on serve du groupe ou juste de la page. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, pour l'instant, j'ai partagé sur les deux. Puis si c'est de même, ça va continuer comme ça. Mais je pensais que le groupe continuerait à durant avoir l'année. Des discussions, avoir des discussions pendant l'année. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je me demande si ça vaut vraiment la peine d'avoir un groupe. Voilà. Bon, dans le fond, on a beaucoup de discussions sur la page. Fait que... Exactement. Oui, c'est ça. Moi, j'alimenterais une seule place. Là. Personnellement, pour avoir la capsule, il y en a qui m'ont déjà suggéré comme d'avoir la page de la capsule, puis là, la capsule famille, la capsule cinéphile, la capsule événement. Puis je trouve que ça fait beaucoup de gestion pour de la répétition. Ça fait beaucoup de gens à aller chercher. Des gens qui vont être sûrement aux trois places aussi, des fois, qui n'en ont rien à foutre. Fait que non, personnellement, moi, je pense qu'on devrait tous centraliser sur une seule et unique page. Puis si vous aimez Horror Gamer, ben allez-y, Simonac. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais donner, puis ça c'est ça, je voulais mentionner parce qu'on n'en a pas encore parlé, je vais donner pendant un mois les accès de la page à notre ami Guillaume Couture qui a déjà aujourd'hui commencé à nous faire des suggestions musicales. Et à ce moment même, pendant que j'en parle, je me dis, j'ai cherché une suggestion musicale et elle était là sous notre nez. Parce que Guillaume Couture, ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, nous faisait des suggestions musicales. Une chanson par jour en thème, qui a pour thématique l'horreur, ou en tout cas qui a l'air d'être horrifique. Donc, c'est ça. Donc, c'est lui-même qui m'en a reparlé, qui m'a dit hey, ça vous tente-tu que je le refasse, là, parce que moi, j'ai déjà mes 31 tounes de prêtes. Là. Parce que lui, sinon, il se crée un groupe, il se crée une page à lui, puis il partait de son bord. J'ai dit mais non, ben non, bien. Viens faire ça sur notre page. Ben oui, ben oui. Je veux dire, je sais que Vicky écoutera peut-être pas les tunes, mais... tout liker, par exemple. Mais c'est ça, tu sais, puis je veux dire, c'est le fun, parce qu'on s'appelle Horror Gamer, puis on parle plus de game anyway. Fait qu'on peut bien parler de musique aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a tellement plus de musique dans Horror Gamer que de jeux anyway. Il y a au moins deux tunes par épisode. Et tantôt, je posais la question sur le groupe pour en venir à... durant les épisodes du mois d'octobre, on va sûrement parler aussi des choix que les gens font pour le visionnement durant la semaine. Puis quand tantôt, on a mentionné un peu Constantine, puis on se dit « Ah ouais, c'est-tu religion ou pas? » Il y a sûrement des choix, des fois, qui vont nous partir sur une discussion, quelque chose. Si quelqu'un va dire « Moi, à soir, pour tel thème, j'écoute telle affaire, puis là, on va tout faire. » Ah ouais, on n'a pas pensé à ça. Ah, c'est cool ça. Puis on pourra en parler durant l'épisode un peu. On pourrait... Peut-être des trucs comme ça qui vont nous allumer de même spontanément. Puis, Ouais, moi j'ai... c'est un peu l'idée des thèmes, c'est que moi, les publications vont se faire vers 11h, 11h30, là, tu sais, le matin. Puis toute la journée, je veux que les gens postent c'est quoi qu'ils ont dans l'intention d'écouter. Fait que le soir, oui, j'ai peut-être écrit sur la liste, j'écoute tel film. Mais si dans la journée, j'ai eu quelqu'un qui a écrit de quoi, ça se peut très bien que je change d'avis, puis que ce soit la suggestion de cette personne-là, puis je vais l'imiter. Ah oui? Faut pas que vous pensiez que vous écrivez dans le beurre, là. Sérieusement, on va vraiment servir de vos suggestions, là. Puis les gens ont juste ça comme envie de discuter de leur choix, là, puis de tout ce qu'ils veulent. Ah oui. On a déjà vu des listes complètes là, des derniers jours. Puis, je veux dire, continuez à en mettre des suggestions. Là. Ah, c'est fou comment on en a des listes. C'est fou. On a du film à voir. Là, c'est même plus un film par jour tellement qu'on veut toutes les voir. Moi, personnellement, là, moi, je veux toutes les voir. Non, ben écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Là. On avait Patrick Dupuis qui nous a fait sa sélection, mais qui nous a posté une photo de VHS. Tous ces films sont en VHS, là, je capotais, là, j'étais comme, regarde, tu m'invites chez vous, là, ça va être ma liste aussi, là, tu sais, Orca en VHS, là, je m'excuse, Orca, je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'ai vu ce film-là, tu sais, il y en a tellement, là, Necronomicon, le film, l'anthologie sur Lovecraft, je suis même pas sûr que ça se fait en DVD, tu sais, Les poupées, tu sais, écoute, je vois des titres qui me disent absolument rien, là, mais Voyage au bout de l'horreur, tu sais. Blood Beach. Voyage au bout de l'horreur, c'est pas genre merde, cherche. C'est pas Deer Hunter, non? Voyage au bout de l'horreur. Voyage au bout de l'enfer, Deer Hunter. Voyage au bout de l'enfer, oui, t'as raison, okay, excuse. Je l'ai écouté cette semaine. Oui. Emmanuel Ouellette nous dit « Je suis déçu un peu qu'il n'y ait pas de thème slasher. » Emmanuel, c'est vrai? Et je m'en excuse. Le thème slasher était le jour 31. Jusqu'à ce que Sylvain Démenti, notre ami, nous dise « Hey, d'habitude, le 31, c'est Trick or Treat. Trick or Treat n'est pas un slasher, c'est une anthologie. » Ben, j'ai changé de 31 pour la thématique anthologie. Et je n'ai pas replacé slasher parce que m'amener refaire des images, ça me tentait pas. Je me suis dit « Ben, écoute. » Il y a tellement de monde. Une si bonne raison. C'est une si bonne raison. Je suis tellement d'accord avec cette raison-là. De toute façon, je suis sûr qu'il y a plein de façons de plugger des slashers à travers nos 31 jours. Je suis sûr. Vous trouverez bien une façon. Je veux pas tout refaire le débat. Là. Ça fait une heure qu'on parle de found footage, mais Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, c'est un mockumentary qui est un slasher. Et je vous le conseille fortement. Moi, je l'ai pas mis dans ma liste parce qu'encore une fois, c'est un film que j'ai vu 4 ou 5 fois, fait que ça me tentait pas de le revoir. Mais pour vrai, c'est un excellent film qui est un slasher. Donc, je pense que le slasher, on parle de Chucky dans les films de poupées. Chucky, je pense que c'est considéré comme un slasher. Oui, en effet. Regarde, on a la thématique zombie. À un certain moment dans la série Vendredi 13, on pourrait dire que Jason est un zombie. Fait que je suis sûr que cannibale, mettez-vous... Fantôme, parle de Freddy. Ben oui, tu sais, j'allais dire cannibale, mettez massacre à la tronçonneuse, tu sais, et les cannibales vont rentrer là-dedans, là, tu sais. Found footage, y a pas un Halloween, là, un des derniers qui était fait avec des caméras de surveillance un peu partout. Ah, c'était le dernier avant Rob Zombie, là, c'était le 7, je pense. Ouais, je l'ai pas vu celui-là. 7 ou 8, je pense. Puis c'était ça, c'était fait à la found footage, je crois. Ouais, en partie, il me semble. Ouais, il y en a un, c'est un show de télé-réalité, mais c'est avec des acteurs. C'est lui, c'est ça. C'est pas fond footage. Non, mais c'est parce que tu as des caméras de la maison. Oui, t'en as, mais c'est intégré à travers vraiment un récit qui n'est pas un fond footage. T'as raison. Mais regarde, je suis sûr qu'il y a façon de. Ben oui, tu sais. De plugger tout ça, là. Fait que gâtez-vous, là. Anyway, tu sais. Film de requin, là. Film de requin, c'est vraiment lousse, là. C'est at large, là. Ouais. Écoute, comédie, là, tu sais, on s'entend qu'il y a bien des slashers qui seraient très drôles. JF pour écouter Pieces puis le mettre dans comédie. Tu sais, il y a plutôt de Popeye. De Popeye, là, ouais. Il n'est pas un ninja aussi, je l'ai manqué ce bout-là. Oui, il n'est pas un ninja. Il a un ninja dans Pieces. Oh, God. Oh, God. Tu sais, regarde, tu vois, Sakuramu, il dit « J'ai écouté Requiem, le drame sur la vraie histoire de l'exorcisme d'Emily Rose. » Tu sais, sûr qu'il y avait moyen de le plugger à soi là-dessus, puis c'est un film qu'on a... Moi, je savais même pas qu'il y avait un drame sur cette histoire-là. Ça ne dit rien? Non. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas une catégorie slasher qu'il n'y a pas moyen d'en écouter. Puis au pire, s'il y a une journée que vous vous dites « Moi, des films d'extraterrestres, j'en ai rien à calisser. » Mais écoutez un beau slasher si ça vous tente. Ou écoutez un beau snuff, ou écoutez un beau n'importe quoi. Tapez-vous un film d'horreur. Puis parlez-nous-en. Tout le monde est libre. Parlez-nous-en. C'est toujours ça l'important. C'est qu'on veut échanger là-dessus. Je vous parlais d'un concours. Les films, Métropole Films, nous disent. J'ai fait un peu de quêtage et je me suis dit, j'aimerais ça avoir des prix pour les 31 jours d'horreur. C'est bien beau. On a moyen de peut-être acheter quelques petits prix, mais c'est toujours le fun quand c'est des commandites. Et Métropole Films ont vraiment été très, très, très, très, très généreux avec nous autres et ont décidé de nous offrir des films à faire tirer. Donc, j'ai des codes pour des films, sur des codes iTunes, pardon, pour des films. Mais je vais aussi recevoir d'ici très, très pas longtemps, si ça peut se dire, une copie de... C'est pas un mot qui... Assez rapidement, non, c'est ça, j'aime pas ça, utiliser ça, je trouve ça vulgaire. Très peu longtemps. Dans très peu longtemps. Je vais recevoir les DVD de Evil Dead 2, de A Ghost Story et It Comes at Night. A Ghost Story, c'est-tu, il vient juste de sortir, oui, lui-là? Oui, Casey Affleck, oui. Celui-là aussi, hein, vous pouvez me le donner. Non, malheureusement... Non, mais tu sais, mettons, là, comme on disait avec les gens qui écoutaient le live, mettons qu'il y a des films que vous voulez pas, moi, je suis preneur. Totalement, là, tu sais, avec grand cœur, je vais accepter les films que vous voulez pas. Puis là, ben, on a des codes pour It Follows, Rob Zombie's 31 et Black Coat's Daughter. Donc, ce soir, pendant l'épisode, je veux faire tirer parmi les gens qui nous écoutent live. Il y aura des concours pour les gens qui nous écoutent pas live, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire « Mais là, je peux pas le dimanche soir, puis je voudrais pas vous pénaliser non plus, ça serait vraiment plate. » On gardera ça peut-être pour les Blu-ray, entre autres. Mais ce soir, j'ai le goût déjà de faire un ou une heureuse avec trois codes iTunes pour les films. Donc, sur le chat, écoutez les amis, j'aimerais juste que vous nous écriviez votre thème des 31 jours d'horreur qui vous inspire le plus. C'est facile, là. La page, c'est horreurgamer.ca. Vous cliquez sur 31 jours d'horreur en haut à droite et édition 2017. Puis vous trouvez un des thèmes qui sont là. Donc, on veut. Le concours fonctionne juste pour le live, hein, pas pour la diffusion. C'est juste pour la live. C'est juste pour la live. Donc, écrivez-nous dans le chat. On va vous laisser un petit 5 minutes. Écrivez-nous dans le chat votre thème qui vous inspire le plus. Puis, parmi tout ça, après ça, on va aller faire un petit tirage pendant la prochaine pause musicale. Je ne veux pas alourdir l'épisode. Non. Tu mets une limite de temps, genre à 9h50? Ouais, non, je vous donne 5 minutes. À 9h50, ouais. 9h50, vous avez 5 minutes, 7-8 minutes. Donc, allez sur le chat nous écrire ça. La catégorie qui vous inspire le plus pour avoir 3 codes. Puis à 10h, on va annoncer le... Pendant notre prochaine pause musicale. Je veux pas faire un tirage pendant l'épisode, ça serait comme le monde qui nous écoute en différé, ils sont comme il va-t-il faire son crise de tirage? Je sais qu'il s'en va sur random.org. OK, là, c'est qui le numéro? C'est un tel. Je m'en fous, je la connais pas. Hey, bravo! Mais donc il n'y aura pas de ça pendant l'épisode. Donc c'est ça. Mais dites-vous que pendant les prochains épisodes live, il y aura d'autres tirages, d'autres prix comme ça à gagner. On espère qu'à part Métropole Film, il y aura d'autres personnes, d'autres studios qui vont vouloir nous commanditer. Mais sérieux, c'est vraiment très, très, très, très, très gentil de leur part. Dans le pire, Steven a sûrement des doubles. Steven a des doubles, vu qu'il va vous donner du 6 Spinal Tap. C'est ça que j'allais dire, c'est que moi je suis prêt. Moi, je suis prête à faire tirer 10$ de certificat cadeau de la capsule. parce qu'on avait fait un... Il y avait un show à Manon, un cabaret, OK, à la capsule, puis les animateurs devaient s'entendre pour leur préféré de tous les membres qui avaient assisté au cabaret, puis ils faisaient tirer 20$ de certificats cadeaux à leur préféré. Fait que là, ils se concertent, ils font le pointage, tout. Fait que pendant ce temps-là, nous, on ferme, on fait nos caisses, tout. Puis on fait gagner un gars, genre, qui habite à Rimouski, ah, qui bon était gars. Venu juste pour le cabaret, qui avait déjà payé sa facture. Fait que j'étais comme, c'est le 20$ qui m'a coûté le moins cher ever. Alors, je suis prête à le remettre en jeu ici ce soir. 20$ de la capsule à faire tirer. Wouhou! T'es-tu sérieuse? Oui, mais on a deux auditeurs de Sherbrooke. Okay. On a deux auditeurs de Sherbrooke, fait que forcez-vous, les gars. S'ils sont live. Si vous êtes live, faites juste vous écrire. Mais... Hein. OK. Si Véro a gagné, elle est méga antique, puis ça fait plein de fois qu'elle dit qu'elle veut venir. Fait que, ah ouais, Véro, force-toi. Ben, écrivez-nous dans le chat. Auditeur de Facebook. Non, mais auditeur de Facebook. Tabarnache, il est tard. Il est même pas tard, c'est ça le pire. Dites-vous, faites juste nous écrire pourquoi vous voulez aller à la capsule. Oui! Écrivez-nous dans le chat pourquoi vous voulez aller à la capsule. Ah, on a un marathon de films d'horreur la dernière semaine d'octobre. Come on down! Je pense que c'est le gin tonic qui commence à me faire déparler de tout ça. Je veux vous poser la question. Vicky, t'as été honnête tantôt. JF, je pense que tu nous l'as dit. 31 jours d'horreur, là, ça se fait-tu? C'est rough. C'est rough, hein? Je l'ai pourquoi fait. C'est rough? Parce qu'on aime, on aime 2000... ça, tu sais. On aime, la fois l'horreur. Oui, mais la fois que je l'ai fait au complet, je pense que c'est 2015, comme je te disais, parce que j'ai fait mon mois de la honte, là, puis... J'ai vraiment fait 31 films en 31 jours, puis à la fin, là, j'étais plus capable. Pendant 2 mois quasiment, je voulais plus voir de films d'horreur, puis j'avais encore les podcasts d'Horror Gamer à faire, puis j'étais comme, je disais à Steven, j'étais comme, je suis pas dedans pantoute, là, ça me tente pas, puis je suis plus dans le mood de pouvoir de l'horreur, tu sais, puis ça m'a pris du temps avant de me remettre, là, tu sais. Mais oui, c'est vrai. On dirait que c'est comme épuisant. Je sais pas pour vous autres qui nous écoutez, je serais curieux de savoir, là, si c'est la première fois que vous le faites. C'est comme Steven qui va voir, mettons, 30 films durant Fantasia. Ça a bien beau être une machine, Steven, à la fin, il est plus capable, tu sais. C'est vrai. Mais c'est ça. Moi, je vis le paradoxe de la femme de série télé qui peut se taper 4 épisodes de sa série télé par jour, mais si tu lui dis d'écouter un film différent tous les jours, je suis comme, ah, oh, ouais, mais ça, que je vais faire une journée avec 4 films, mais je pourrais pas en écouter le lendemain, ça va pas me tenter. Mais, pour moi, une série télé, je me suis claqué les 9 saisons de The Office en 2 semaines. Oui, m'obstinais Steven l'autre fois que c'est, pour moi, c'est plus long d'écouter un film que d'écouter 2 épisodes d'une série. Ça revient au même. Là, mais pour moi, dans ma tête, c'est comme un film d'une heure et demie. Si je le trouve plate, il va être long en tabarouette. Mais c'est 2 épisodes. C'est pas grave. Je peux faire des pauses de temps en temps, des trucs comme ça. C'est comme, je sais pas. Est-ce que c'est parce que chaque film, quand c'est fini, faut recommencer quelque chose? T'sais. Reconnaître des nouveaux personnages, une nouvelle histoire. C'est super engageant, un film. Là. En 1h30, il faut que tu saches tout. Oui, c'est vrai. 2 heures. C'est vrai ce que Jeff dit. T'sais. Tu peux tomber sur quoi de mauvais. T'sais. Mais on s'entend que c'est une série que t'aimes. Là. Bon, je m'entends. Je suis sûr que Jeff, quand il a commencé Twin Peaks, j'avais dit Jeff, il y a 31 épisodes de Twin Peaks, puis tu te fais un mois d'un épisode de Twin Peaks par jour, il aurait fini après une semaine, puis il aurait fait « Excusez! » Ben oui. « Excusez, je les ai tout écoutés. » Je starte nos séries. Mais c'est ça. J'écoute 3 séries en un mois. Mais parce que t'as commencé quelque chose, puis ça coule. Oui. C'est juste. Ben, une fois que t'es engagé dedans, veut dire, c'est comme quand tu lis un roman, tu vas commencer tranquillement, tu vas commencer par que des personnages, à un moment donné, c'est comme tu vires les pages de même, là. Ouais, tu commences tranquillement, tu fais d'autres choses, tu reviens, tu fais d'autres choses, puis à un moment donné, une fois que t'es dedans, une fois que t'es dedans, là, tu lâches plus. Mais j'ai une question parallèle un peu dans le sens où, moi, depuis que j'ai ouvert la capsule, et vous, depuis que vous êtes père, moi, je perds plus de temps sur ce que j'aime pas. Un film que j'aime pas, je l'arrête. Une série télé que j'aime pas, je l'arrête. Un livre que j'aime pas, je l'arrête. Je ne donne plus de chance. J'aime pas ça, je l'arrête. Si je pense que j'aimerais pas ça, je le starte même pas. Je vais prendre quelque chose que j'ai vraiment envie de regarder, puis que je pense que ça a de l'intérêt pour moi, là, tu sais. Tu sais, dans mais ma liste de films, tu sais, j'ai comme 100 films dans ma liste de Netflix, elle est pleine. J'ai 100 ou 200 films, je sais pas trop. Mais il y en a plein que j'efface, là, parce que comme, OK, lui, je l'écouterai pas. Lui, je l'écouterai pas. Lui, je l'écouterai pas. C'est vrai. Hein? Au début, on les met, puis on fait comme, oh yeah! Deux mots plus tard, tu fais comme, voyons donc. Alors, j'ai refait ma liste, j'ai rechecké ma liste hier au variage. Je fais, non, lui, c'est sûr, je l'écouterai pas. Lui, c'est sûr, non. Ça, c'est de la grosse merde. Ouais, non. C'est ça, tu te dis, hey, si j'ai pas écouté lui, lui, il est loin d'être vu. Vraiment, j'ai le film dans ma liste, OK, j'ai le film que Will Smith a fait avec son gars, là, le film de Planète, je sais pas quoi, ou Heart, je sais pas quoi. Là. Puis, tu sais, j'arrête pas de me dire, un, je veux un moment donné me faire une rafale de Will Smith. Deux, je suis en train d'explorer les films de science-fiction parce que ça, j'ai vraiment raté ça énormément dans ma vie. Fait que je suis en train de full en écouter. Fait que ce film-là, je devrais l'écouter parce que je vais écouter les films de Will Smith puis je vais écouter les films d'extraterrestres. Mais à chaque fois, je suis comme, non, ça ne sera pas ce soir. Mais, donne-moi la série complète de Will Smith là, quand il était jeune, là, ça, The Fresh Prince of Bel-Air. Oui. Ah ouais, moi, t'écoutais ça, mon homme, il n'y en a pas de problème. C'est drôle. Mais tu vois, je disais à Sylvain Démenti que j'aime mieux écouter ses vidéos sur Melrose Place que d'écouter les épisodes. J'ai trouvé les coffrets, genre le premier coffret à 4,99 puis le deuxième à 3,99, la deuxième saison, tu sais. Les deux premières saisons, j'aimerais coûter moins de 10$ les avoir, tu sais. Je suis comme, non, j'ai d'autres choses à faire que d'écouter ça. Mais ses vidéos, pas de problème, ça dure 3 minutes par épisode, fait que c'est correct. Oh, on est pathétique. Vicky Emmanuel Ouellette, parlant du film de Will Smith et de son fils, est écrit en gros caplock. Écoute pas ça, Vicky! Ok. Si tu veux rire, Vicky, par exemple, tu peux écouter l'épisode que le Nostalgia Critic a fait sur ce film-là. Ça dure 20 minutes. Il le ridiculise à fond. C'est vraiment très, très drôle. C'est le fun. Mais il paraît que le film n'est pas bon. Oui. C'est pour ça que j'ai pas envie de l'écouter. Mais ma logique me dit, je suis dans un carrefour, là. Je suis au carrefour de... Faut que j'écoute plus de films de science-fiction, puis faut que j'écoute plus de films de Will Smith. Je suis à ce carrefour-là. Là, c'est ça. Mais t'as vu les Men in Black, là? Oui, j'ai vu les Men in Black, j'ai revu I Am Legion, j'en ai revu plein. Mais moi, les films de science-fiction, comme je dis, ça m'a vraiment passé sous le nez. Puis Will Smith, j'ai pas tout compris encore de cet acteur-là, je pense. Mais est-ce que t'as revu Men in Black? Oui. Ce serait peut-être mieux de revoir. OK, est-ce que tu les as revus? Écoute pas ça, regarde! Mais on a Véronique qui nous dit qu'elle aussi étant parue. En étant parent, j'avoue, ça change beaucoup. On a moins de temps, on est plus sélectif. Je pense que ça se fait aussi en vieillissant. On a beaucoup de temps à perdre quand on est jeune. Et c'est correct, c'est cool. Maintenant, on fait comme... Ouais. Mais je te dirais qu'avant la capsule, je me disais... Moi, pour un film, j'ai skippé plus, mais un livre. Mais il me semble qu'un livre, je me disais, je vais le finir. Mais il me semble qu'un livre, dans ma tête, c'était inconcevable de ne pas finir un livre. C'est un investissement. Ouais. C'est comme... C'est engagé. Hey, en parlant de livres pis horreur, là, je peux-tu chialer sur la levée des prix des livres ça de Stephen King? C'est rendu genre 40-50$ la série. Sérieux? Là, je vous le dis, j'ai vu le livre 1, il était comme 15,99$. Il y en a 2-3, à peu près dans les formats poche. Ouais, je sais pas. Oui. Mais c'était genre, c'était genre 15,99$ le 1. Après ça, c'est. Fait que là, comme tu te ramasses à t'acheter 3 livres à 16$. Après ça, je suis allée sur iTunes Bookstore. Le premier, c'est ça, c'est 11,99$. Mais c'est tous des livres que t'achetais à rabais solide, là, l'an passé. Ça valait rien. Marché de marde. Alors, va dans une petite librairie ou des marchés usagés, oui. Des trucs comme ça. Ah oui, usagers. Écoute, là. Mais même là, il doit être rendu difficile à trouver. Probablement. L'usager doit vraiment être difficile. Il y a un peu plus. Moi qui est une fan de vente de garage, je vous apprends rien. Moi qui est cheap dans la vie, je prends tout de garage. C'est correct. J'adore ça aussi. Ah, j'adore. Partir avec vrai... Elliot, c'est mon bonheur. Le samedi matin, ça, partir tous les deux. Là. Tu dois être d'accord avec moi que ça, de Stephen King, se retrouvait quand même assez souvent dans les ventes de garage. Et là, je le vois quasiment plus ou presque plus. Ouais, j'ai le petit coffret en 3 livres de j'ai, oui. Je sais quoi, là, j'ai lu, c'est ça? Oui, en tout cas, le petit coffret de. Avec les beaux dessins dessus, là, je l'ai. Puis j'allais en anglais aussi. Lisez-les en anglais, c'est juste un volume, c'est pas 3 livres. Ah ouais? Moi, j'ai le gros, mais en français. Ouais, là, c'est j'ai ça. J'ai lu ça au secondaire. Okay. Moi, j'allais le gros en anglais, un de poche. Pourquoi là, en anglais, c'est un livre, puis en français, c'est 3. Non, il y a une édition en français. Moi, je l'ai en édition française, c'est un gros livre de 1100 pages. Oui, c'est ça. Le 1100 pages, il est genre 15$ sur iTunes, puis j'étais comme, why? Il était 4$ l'an passé, je suis sûre, là, tu sais. Il y a Marc-Antoine de la Bonté qui dit « J'ai hâte au jour où je vais être capable d'arrêter un film au milieu quand c'est pas bon. » Et Véronique qui a dit « Donne-toi environ 7-8 ans ». C'est bien parfait, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, oui. Ouais. Vraiment, là, il y a un certain moment où que tu vas te rendre compte que l'offre est plus grande que le temps que tu as. Point final. C'est mathématique. Seb, tu l'avais dit tantôt, quand tu vieillis, je me disais, c'est ça, quand tu te rends compte que t'es mortel, là, tu te dis, OK, il me reste tant d'années à vivre. Non, j'ai pas le temps de regarder ce film-là. Non, c'est ça. Non, ce film-là, ça arrivera jamais. C'est une question de maths. Tu sais, à un moment donné, je m'étais dit, hey, le top 250 IMDB, je vais me le taper. C'est sûr, je vais le faire. Puis je fais comme, non, lui, c'est sûr, j'ai aucun intérêt à l'écouter, ça doit être bien bon, mais j'ai pas le goût. C'est comme, juste revoir un film. Moi, j'ai mis Cloverfield parce qu'il y a eu tant de Cloverfield Lane que j'ai beaucoup aimé, puis tu sais, j'aimerais ça m'en remettre dedans. Mais, par exemple, c'est pas un film d'horreur, mais quand même. Le film s'appelle L'année dernière à Marienbad. Vous avez étudié en cinéma, vous savez c'est quoi. L'année dernière à Marienbad, OK, je dois le voir pour un cours. Je le pogne un ordi, là, je suis désolée pour ceux qui ne voient pas, mais c'est même pas un ordi, il faut que je le voie à la bibliothèque de l'école de l'UDM. L'écran est gros de même, OK? C'est plus petit que votre écran de portable présentement. C'est à peu près le format d'un iPad, OK? Mais c'est une VHS. Avec un iPad, ça a au moins la beauté de l'image. Là, c'est un VHS sur un écran gros comme un iPad. C'est dégueulasse, OK? Le film est épouvantable, je veux mourir, je me tape la tête de ces murs, je capote, OK? L'année d'après, on a un cours, et le cours se donne à l'ONF. Faut qu'on aille à l'ONF avec le prof. Le prof, il donne une conférence, l'UDM a eu l'exclusivité. Fait que pour passer ton cours, faut que t'ailles voir les films que le prof annonce. Je vous l'apprendrai pas, c'est la tabarnak d'année dernière à Marienbad! Là, je le vois sur écran géant. Là, je me rends compte que, ouais, OK, le film est nettement meilleur sur écran géant que sur un petit crisse d'écran parce que le film n'a pas aucun sens. C'est un film poétique. C'est un film qui se passe dans un rêve. C'est un film où tout le monde se dit que c'était tellement meilleur l'année dernière à Marienbad, mais que personne bouge, personne... C'est en noir et blanc, c'est long, c'est lent, c'est épouvantable. Mais au moins, sur le grand écran, tu vois les gens. Tu vois les gens interagir. Et là, je dis ça parce que hier, je rangeais mon linge puis je me disais, crime, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'année dernière à Marienbad. Mais what the fuck, j'ai envie de revoir ça. Fait chier deux fois. Mais en vieillissant, on dirait que je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable d'accepter d'apprécier l'année dernière à Marienbad. Ça arrive aussi, ça. Il y a des films que je voyais à l'université ou au cégep montrés par des profs que j'étais comme, ça me tente pas en tout. Puis en vieillissant, j'ai fait, tant plus, ça me tente de les voir par moi-même. Ouais. Tout à coup, j'ai envie des... Pour mes loisirs, pour mon propre fun, j'ai envie de regarder un film des années 20 qui me faisait chier à l'époque, mais que là, j'ai envie de le voir. Là, ouais. Fait que présentement, j'ai plus envie de voir l'année dernière à Marienbad que le film de Will Smith. Écoute-les, Vicky. Écoute-les. Mais laisse-moi, Vicky. Y a-t-il la science-fiction? Y a-t-il Will Smith? Non, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir dans l'année dernière à Marienbad. C'est un vieux film de bourgeois blanc français chiant. Vas-y, Jeff. Je parlais de mortalité, je parlais de vieillissement, tout ça. Je dis, cette année, j'ai décidé de faire des trucs que j'avais tout le temps remis à plus tard. J'ai pogné 40 ans cette année, puis je pense que j'ai eu une sorte de crise qui s'est manifestée dans mon envie de regarder des choses que j'avais pas vues ou de lire des choses que j'avais pas lues encore. Comme j'ai décidé de regarder, ça n'a pas rapport avec l'horreur, mais toutes les séries Star Trek au complet à partir de l'original. Là, depuis janvier, je les écoute toutes. Une saison par mois, puis je suis rendu loin dans Star Trek Next Generation. Mais une autre affaire que j'ai commencé cette année, puis que j'avais commencé à l'époque, il y a 20 ans, puis que j'avais pas fini, là, je me suis dit, je le recommence, puis je le finis, puis je n'ai parlé dans un bras de fer, mais je vais en parler ici, je le montre à l'écran, c'est La Tour sombre de Stephen King. Là, je suis rendu dans le cinquième, j'ai commencé hier le cinquième livre, puis je suis, quand je parlais tantôt de lire des livres, puis de plus être capable de lâcher, là, le rendu au cinquième livre, je suis déjà plus capable de lâcher, puis il m'en reste encore deux autres, trois si on en compte un autre qui a été écrit plus tard, mais en tout cas. Mais là, je suis là-dedans, puis je capote bien raide, puis je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai abandonné ça au quatrième livre des années 90. Là, le quatrième livre, jusqu'à date, c'est mon préféré, fait que je capote, j'adore ça. Puis il y a de l'horreur là-dedans, fait que ça, c'est mon horreur du mois d'octobre, ça va être encore La Tour sombre, comme c'est depuis tout l'été. C'est l'avantage du livre, c'est que je peux l'avoir avec moi quand j'endors le petit ou quand il est en train de jouer, puis je le surveille d'un œil, puis je suis en train de lire de quoi, tu sais. Puis en même temps, ben, Moi, ma blonde, on veut pas trop qu'il regarde la TV, tu sais, dans le jour, des trucs comme ça. Mais quand, il y a juste 5 mois, je veux pas qu'il regarde la TV tout le temps. Fait que, on laisse la TV fermée, puis je lis mon livre, puis il est bien relax, puis tout. Puis c'est mon horreur, puis je capote bien raide, puis c'est encore meilleur qu'un film. C'est encore meilleur que le film qui est sorti cet été, ça, c'est clair, là. Profite-en par temps qu'il y a encore juste 5 mois. Ouais. À un moment donné, le livre, tu vas le cacher très très haut parce que tu voudras pas qu'il le déchire. C'est un peu ça, nous autres, ces temps-ci. C'est comme. Ben, hey, moi, regarde, normalement, t'as acheté un beau livre de chercher trouve. Ah, bon, il manque des. Oh. Vas-y, Vicky. Non, mais c'est pas, j'allais dire, c'est un peu ça, moi, tout, tu sais. On fait les trucs au bistrot. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose, ben mes deux partenaires d'affaires, ils vont mettre de quoi à terre ou pas. Puis je suis comme, non, mais faut le surélever. Puis ils comprennent pas. À matin, là, juste ce matin, c'était dimanche matin, j'avais 22 enfants en bas de 10 ans. 10 ans et moins. Je peux te dire que ta crise petite plante, t'as beau la trouver bien belle, bien décorative, là, mais c'est pas toi qui ramasses de la terre sur 3000 pieds carrés. Fait que ta crise plante, je la veux pas dans mon entrée. Puis j'arrête pas de leur expliquer ça. T'sais, des fois, ils m'arrivent avec des idées de décoration de vitrine. Je fais, c'est beau, mais ça résistera pas un dimanche. Ouais, ça va se décoller. Ouais. Mais non, ben moi, je ça m'a fait ça avec les jeux vidéo. J'achetais des jeux vidéo à finir. Là, ceux qui connaissent un peu Steam et comment ça fonctionne. C'est des ventes où ce que les jeux vidéo tombent à 80% de rabais pour 5$ au lieu de 80$. Puis là, t'es comme, je l'achète! Puis là, maintenant, tu regardes... C'est des bons jeux ou pas tout le temps? Ouais, souvent des très bons jeux. Mais c'est surtout qu'à maintenant, tu regardes ta liste de Steam, tu fais 240 jeux. Puis là, tu fais, j'en ai joué 8 dans la gang, puis j'ai encore le goût de jouer à ces 8-là. Fait qu'à un moment donné, moi, ça a fait ça. Je me suis dit, Sébastien, essaie d'appliquer ça aussi dans l'achat de tes films. Tu sais, à quel moment est-ce que le film que tu vas acheter va te servir une deuxième fois? Fait qu'à ce temps, j'achète les films pour enfants. Parce que je sais qu'un jour, Elliot va juste les écouter en boucle, puis je vais faire comme, yeah, il est rentabilisé. Non, c'est ça, à un moment donné, de garage! Ouais, exactement. Les ventes de garage. Bon, c'est ça. Je ne me permets que ça maintenant. Mais c'est correct. Je pense que. Il y a eu une époque, je crois, où ce que c'était peut-être possible d'écouter tout ce qui se faisait, puis tout ce qui s'offrait à nous. Alors, mettons, si on avait grandi, si on avait là, présentement, l'âge qu'on a, dans les années 80, ça se pourrait dire j'écoute juste ce qui est disponible au club vidéo. Parce que c'était juste ça. Oui, ça changeait pas trop. On faisait le tour du club vidéo. Ouais, je passais des heures et des heures en club vidéo, j'en regardais toutes les pochettes. Mais à chaque semaine, c'était à chaque fois que j'y retournais, c'était les mêmes pochettes. Il y avait peut-être une couple de nouveautés, mais c'est tout. Pis... C'est ça. Tandis que là, on fait juste s'intéresser un peu à ça, lire ce qu'il y a autour. Puis à chaque semaine, je m'excuse, mais ma shame list fait juste gonfler. Ben oui. À moins de vraiment, tu t'intéresses à ça. T'sais. Puis c'est autant au cinéma qu'à la télé, dans mon cas, en tout cas. Là, là t'as pas commencé, t'as les films. Les courts-métrages, les festivals, les séries télé. Tu finis plus, là! Tu finis plus! Oui, c'est ça. Puis, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que au moins, on a toujours la possibilité d'écouter quelque chose de bon. Oui. Avant, c'est si tu étais un cinéphile et tu voulais te taper tout ce qui se faisait, ben, tu avais une bonne chance de tomber sur de la crap parce qu'à un moment donné, je veux dire, ils peuvent pas tout le temps faire des bons films, là. Mais aujourd'hui, tu sais, en plus, si on fait pas juste compter ce qui existe présentement, c'est que l'historique des films qui ont été faits dans la vie fait juste s'étirer puis grandir. Mais là, c'est ça que j'allais dire, tu sais, si t'es comme moi, ben, tu peux pas avoir vu tout ce qui s'est fait parce qu'il y a tellement. Puis là, dans les années 80, peut-être, parce que, mettons que tu regardes juste ce qu'il y avait sur les VHS, tout n'était pas sorti sur les VHS, mais à cette heure, les compagnies vont déterrer des films qui étaient perdus ou peu importe, qui n'étaient jamais sortis, fait que t'en as plein là, des années 10, 20, 30, 40, 50, toutes les décennies du cinéma sont... T'as des centaines et des centaines de films à voir, fait que c'est comme... OK, ben je suis content parce que j'en ai plein à voir, mais il y en a plein... que je veux voir, puis j'aurai pas le temps d'y voir, ou je sais pas quand est-ce que je vais réussir à les voir à un moment donné. Puis, C'est la même chose avec la musique. Ouais, c'est ça. T'as-tu continué ton... parenthèse, t'as-tu continué, Sébastien, ton truc des meilleurs albums? J'ai voulu faire ça. Je suis rendu à 76. Mais c'est parce que. T'écoutais genre les 100 meilleurs albums de Rolling Stone? Ouais, le magazine Rolling Stone a dit les 100 meilleurs albums je sais plus trop en quelle année qu'ils ont fait ça, mais les 100 meilleurs albums de tous les temps, le magazine Rolling Stone. Je suis rendu à 76, mais le problème, c'est que là, il y a des albums que j'aime beaucoup. Puis je les réécoute parce que là, je fais comme, non, j'ai plus le goût de continuer. J'ai trouvé vraiment des belles choses. Là. Maintenant, j'écoute ça mais comme musique. Là. Fait que là, à cette musique-là roule. Pour finir la parenthèse, à toutes les semaines, je suis sur le site Ici Musique ou sur d'autres sites de streaming d'albums, des sites légaux. Sur Ici Musique, tu as genre 10 albums en écoute qui vont sortir dans la semaine. Puis j'ai aimé, puis je suis comme, j'aime ça. Mais il y a trop de bonnes musiques qui sortent. Je suis comme, fuck, il y en a trop. Vas-y, Vicky, excuse, avant la parenthèse. Non, mais c'est parce que. Non, mais c'est parfait parce que je voulais nous ramener au sujet. Donc, en fait, les 31 jours d'horreur peuvent nous permettre de justement voir 31 films qui nous ont manqué, qui ont raté notre radar, ou, comme Jeff l'a dit, 31 films avec sa liste à Jeff, c'est 31 films que vous devriez avoir vu selon Jeff. C'est pas une nécessité, c'est pas un pacte que tu fais avec Jeff que je fais les 31 films à Jeff. Mais c'est cette idée que voici 31 films que Jeff met en highlight. Voici 31 films que Seb considère qu'il n'a pas vu. Donc, pour faire un lien avec les 31 jours d'horreur, je pense que ça nous permet, niveau horreur, de faire un rattrapage sommaire de qui on est. Puis, tu sais, moi, Vicky, la liste me représente énormément. Et qui je suis au travers de cette liste-là et où est-ce que je me situe aujourd'hui en 2017? Tu sais, on parle de nos listes précédentes parce que nos listes précédentes nous parlaient de nous aussi. Oui, vraiment. Vraiment, oui. C'était beaucoup plus dans le populaire. L'année passée, on tirait de tous les bords. Là, cette année, écoute, je pense qu'à chaque année, en tant que cinéphile, on vieillit puis on se raffine, c'est ça. Puis je veux juste faire une parenthèse. On se connaît, là? Oui. Il y a Jean-Sébastien Proux sur le chat qui dit « Mon but avant de mourir, c'est de voir tous les films des années 80 ». Écoute, Jean-Sébastien, juste avec ce but-là, t'es seté, là. Il se passe plus rien dans ta vie. J'ai une question, puis c'est pas une question baveuse, mais quand tu veux dire tous les films des années 80, tu parles de tous les films qui ont été connus, tous les films qui ont une certaine reconnaissance, ou tous les films, parce que tous les films, c'est quasiment impossible. Non, écoute. Parce que les années 80, c'est l'arrivée du VHS aussi, là. Tu veux pas écouter tous les films des années 80, là, parce que tu vas pleurer, là. Tu vas pleurer des larmes de sang. Moi, je disais cette semaine, vomir des larmes de sang, là, tu sais. C'est comme... Ça arrête plus. Non, je pense que c'est pas possible non plus. Noble objectif, mais qui manque un peu de détails. Écoute, j'espère en tout cas qu'il s'est fixé certains détails dans son objectif. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des excellents films dans les années 80 que j'ai pas vus, puis que je suis sûr que je sors sur ma shameless, puis je les reverrai jamais. Tu sais. Parce que pendant qu'on se parle présentement, il y a un très bon réalisateur qui est en train de faire un très bon film qu'on n'est pas en train d'écouter. C'est ça, exactement. On n'a pas le temps d'écouter, tu sais. Tu sais, on parle, mettons, puis je reviens à la joke, mais parce qu'elle est très symbolique. On parlait de films de requins. Moi, je les ai vus, les Jaws. Je m'en souviens fuck all. Ça m'intéresse pas vraiment. Je me souviens d'images quand j'étais jeune, des films qui passaient à TQS qui m'avaient un peu comme questionné. Puis on dirait qu'à chaque fois que je regarde les films, je recherche ces images-là. Fait que j'ai un rapport vraiment bizarre au Jaws. Qui fait juste en sorte que j'ai pas envie d'y voir. Puis après ça, on aurait dit que après ça, ce qui me venait, c'était les Sharknado. On aurait dit qu'il y avait pas rien entre les Jaws, les Sharknado, puis j'ai-tu vraiment envie de voir ça? Donc, ça, mon choix. Puis tu sais, j'en reparlerai la journée qu'on parlera des films de requins, là, c'est pas grave, mais tu sais, pour ça que tu peux te donner un objectif qui peut être très bien réaliste, mais faut que cet objectif-là soit malléable. Si tu te donnes un objectif serré, je pense pas que c'est super le fun, ni pour toi, ni pour personne autour de toi, qui vont juste faire comme « ça te tente-tu d'écouter un film qui vient de sortir au cinéma? » Ouais, non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, faut pas, tu sais, c'est comme présentement, tu sais, moi, je suis très fan de films d'horreur, mais tu sais, à un moment donné, ma blonde, des fois, elle me dit « ça te tente-tu qu'on écoute autre chose. Puis tu fais, mm-hmm. Oui, oui, je vais écouter autre chose. Mais c'est sûr que, oui, ce soir-là, où on n'écoute pas un film d'horreur, c'est un film d'horreur de moins que je vais écouter dans ma vie. Mais écoute, à un moment donné, il ouais. faut pas virer fou, tu sais. Faut juste pas virer fou. Moi, je n'ai parlé avec Steven un moment donné. J'ai fait un peu le deuil de voir tous les films que je voulais voir à chaque année. Si je regardais toutes les années 2017, 2016, 2015, toutes les dernières années, il y a tellement de films que j'ai pas vu. Des films, tu sais, je regarde tous les gagnants des Oscars ou les films nominés aux Oscars, j'en ai pas vu quasiment le trois quarts de ces films-là. Tu sais, j'écoute des podcasts comme Séance de minuit, j'écoute ouais. quasiment tous les épisodes. J'écoute beaucoup de podcasts sur le cinéma qui me disent un peu de quoi ont l'air les films, mais j'y verrai peut-être jamais ces films-là, puis je le sais très bien, tu sais. Par contre, j'écoute beaucoup de séries télé. Ça, je suis assez à jour. Quoique cette année, j'ai pris un peu de retard, mais c'est ça, tu sais, je trouve que pour moi, c'est plus facile, puis c'est ça, tu sais, je mélange un peu les choses, mais je pense à ce qu'on disait tantôt, tu parlais d'achat de films, Sébastien, puis ça m'a fait penser à quelque chose, que cette année, si moi, je suis pas un exemple, là, je n'achète plus de films, plus pas en tout, je pense que j'achète deux ou trois Blu-ray par année, là, c'est tout, tu sais. Comme cette année, après avoir écouté Séance de minuit, on fait une rétrospective des Aliens. J'ai trouvé dans mon Walmart le genre le Alien Quadrilogie Blu-ray à 20$. J'ai fait OK, je le prends, cool, puis je les écoute tous les quatre genre cette semaine. Mais j'ai écouté le premier, puis j'ai jamais écouté trois autres. Puis j'ai déjà vu les films, mais tu sais, je voulais les réécouter cette semaine-là parce que j'étais motivé, puis ça n'a jamais donné, puis le Blu-ray est là. Puis à un moment donné, je vais les écouter, mais je ne sais pas trop quand, tu sais. Puis c'est ça, il y a des films que j'ai achetés, que j'ai comme ça dort là, puis je sais pas quand est-ce que je vais les réécouter. C'est ça, c'est pour les réécouter. T'as vu les Aliens? Oh oui, c'est ça. Mais j'ai pas le temps de les réécouter. Il y a trop de films que je veux voir une première fois. C'est ça. La réécoute, c'est le pire. La réécoute. Je peux revoir ce film-là parce que je m'en souviens à peine. C'est le pire. Moi, j'ai fait une croix sur les Jaws. J'ai fait une croix. Je veux pas les revoir, les Jaws. Je m'en contre-calisse des Jaws. J'achète plus de films. Parce que, de toute façon, mes affaires comme Netflix, c'est rendu mon meilleur ami parce que je les écoute une fois puis c'est correct, c'est passé. Je le réécoute plus puis. Il y en a tellement de toute façon là-dessus. Puis, D'ailleurs, je vais vous avouer, c'est vrai, dans mes 31 jours, ce n'est pas seulement qu'une shame list. Il y a certains de ces films-là que j'ai mis, que c'est des films de genre des années 80 que j'ai vus quand ils sont sortis, puis qu'aujourd'hui, je fais comme. J'ai aucune christie d'idée. C'était quoi ce c'est film-là, tu sais? Tu sais, des fois, quand tu passes un truc sur Facebook, là. Voici les 125 meilleurs films d'horreur. Combien avez-vous vu sur la liste? Là, tu coches, puis là, Mané, tu fais comme. Ouais, je l'ai vu, lui, là, mais. Ouais. Je sais plus pas tout. Je sais quoi le thématique, là, mais j'ai zéro. Tu sais, admettons. Je vais vous dire, là, Cujo. Tu sais? Il est sur la liste. C'est moi qui l'ai mis. Ah, le film de chien, ça? Oui. Oui, tu sais, Cujo, je l'ai déjà vu. Tu sais, je l'ai déjà vu, mais j'ai zéro souvenir, tu sais. Hey, on a fait un épisode là-dessus. Je suis pas sûr. Oui. On a fait un épisode là-dessus parce que j'ai. On a fait un épisode sur Stephen King. On a fait un épisode sur Stephen King. Non. Stephen, il miaise avec cette crise de film-là depuis le début parce que je l'ai haï pour mourir. Puis à chaque fois, il m'envoie des trucs sur Cujo. Non, je vous le dis. Ben écoute, c'était pas là. Est-ce quelqu'un dans le public se souvient de ça, qu'ils le disent, mais moi je m'en souviens pas. Non, moi je m'en souviens pas, puis je l'ai pas revu depuis tout ce temps-là. Fait qu'à la limite, je n'ai pas fait cet épisode-là. Ou c'est pour mon podcast personnel que je l'ai mis dans ma liste, puis j'ai haï ça, peut-être. Peut-être. Ça se pourrait, par exemple. Mais je me souviens avoir enregistré un épisode, que ce soit Horror Gamer ou j'ai mis du gras partout sur mon écran, de Cujo, et j'ai haï ça pour fucking mourir. Ben écoute, regarde, tu vois, moi je me souviens même plus. De Cujo, tu sais. Fait que je l'ai mis sur ma liste. Parce que. Ben, tu l'écouteras tout seul! J'ai. Fais-tu l'intention d'écouter des films avec moi, Vicky? Oui, mais plus maintenant! Bon, Colin! J'ai gâché ma date! Mais tu vois, j'avais l'intention en fin de semaine, on reste dans Stephen King, j'avais l'intention d'écouter J.R.R.'s Game qui est sorti sur Netflix, le film Michael Flanagan. Ouais, Mike Flanagan. Puis tu sais, moi et ma blonde, je disais à ma blonde, je veux l'écouter. Puis c'était hier soir qu'on avait le temps. J'étais comme, demain soir, samedi soir, on l'écoute. Elle dit, ça va dépendre comment ça va avec le petit. Ben oui, c'est sûr. En tout cas, on va voir. Puis finalement, on était fatigués tous les deux. On a passé une mauvaise nuit dans le lieu de vendredi à samedi. Fait que hier soir, samedi soir, on s'installe devant la TV. Puis j'ai fait, on a écouté genre un District 31 là, qu'on n'avait pas encore vu. Puis j'ai fait, Ah non, gars, je suis pas motivé pas en tout pour un film. Puis à 8h30, on était tous les deux au lit. Le bébé était au lit, puis on était tous les trois au lit, dans le fond. T'sais. Puis le samedi soir, à 8h30, on était tous les trois endormis. C'est comme, pas le temps d'écouter un film. Je m'endors. Exact. Je l'apprécierais pas de toute façon si je l'écoute endormi demain. Plus j'y pense, là, ça fait à peu près 15-20 minutes que je vais intervenir, là, mais Steven doit gratter les murs. Steven, oui. Genre inconcevable de ne pas finir un film. Puis tu sais, moi, pour vrai, maintenant, j'arrête un film en plein milieu puis je le recommence le lendemain, je m'en fous. Mais pour Steven, c'est comme... Ben, c'est pas vrai parce que Steven, il dit qu'à tous les soirs, il se couche, puis il écoute un film, puis il s'endort dessus, puis il l'écoute à bout de demi-heure. Oui, mais c'est un film qu'il connaît. Moi, je suis capable de le faire sur un film que je connais pas. Je le fais aussi. Moi, personnellement, ça m'enrage. Ça enrage le geek en dedans de moi, mais des fois, j'ai pas le choix. Pas le choix. Juste pour préciser, Jean-Sébastien nous dit que son défi de tous les films des années 80, faut qu'il y ait une cote de 6 sur 10 et plus sur IMDb. OK. Ça m'aide à cerner. Fait que pour qui, ça rentre pas là-dedans. Je pense que ton défi est réalisable et je te souhaite bonne chance. Et faisant un blog, je vais te suivre. Faisant un podcast, je vais te suivre. Ouais, c'est ça. C'est le genre de truc pour au moins te motiver ou te donner un petit kick. Là, moi, j'avais fait ça pour mes albums. Là, tu sais, j'écrivais un petit post Facebook au moins pour faire un suivi. Mais c'est ça, parce que sinon, tu fais ça un peu pour toi. C'est quand même cool de partager ce genre d'exercice-là, surtout dans les années 2000. J'allais dire avancé. On n'est pas avancé dans les années 2000, mais c'est ça. T'sais, de dire, en tant que personne des années 2000, je revois ces films-là avec un œil différent quand même. Hey, les amis, ça serait peut-être le temps de passer au concours. Donc, allez faire une petite pause musicale. Jeff, tu nous as présenté des albums tantôt. Ben, moi, je pensais à... Je le montre à l'écran, là, The Creepshow, le groupe canadien. Je suis allé le voir en spectacle il y a une semaine et demie à peu près. Puis, ça fait plusieurs fois que je les vois en spectacle. Je les adore. Ça fait une dizaine d'années que je les écoute. Puis... Je sais pas, je pense que ça serait une bonne. C'est un bon groupe à écouter durant l'Halloween. Hein, durant le mois d'octobre. As-tu une toune à nous suggérer pour la pause? La plus récente, Stick and Stones, le plus récent single. Stick and Stones? Sticks and Stones. Sticks and Stones. Oui. Juste avant de partir, il faut quand même que je le dise. On fait depuis tantôt le mea culpa de « ben oui, on n'écoute pas toujours un film au complet » ou « ben oui, on le coupe en deux ». Puis tantôt, Seb, t'as dit qu'il y a quelqu'un qui a quitté son film pour venir nous écouter. Mais Chris, c'est toi qui as dit de le faire. J'ai le lien sur Facebook. Oui. T'as dit à quelqu'un « même viens nous écouter live sur le podcast ». Fait que Seb influence les gens à arrêter leur film pour venir nous écouter. Je pense que... Tout est dit. On peut aller en pause maintenant. D'accord. Sticks and Stones de The Creep Show. Puis on se retrouve après. On aura fait un gagnant pour le premier épisode des 31 jours d'horreur. Tantôt. Oh, yeah. Donc, on est de retour pour la conclusion de cet épisode, ma foi, qui est parti dans tous les sens pour les 31 jours d'horreur, mais c'était cool, c'est le même qu'on aime. Es-tu ça. Es-tu satisfait? Je suis très satisfait. Parce que satisfait. Behind the scenes, Tab, il demande de quoi qu'on parle. J'ai dit, ben, il me semble qu'on devrait lancer les 31 jours. Il fait, ouais, mais encore, de quoi qu'on parle? Je fais comme, ben, c'est ça. Puis il dit, ouais, mais, je suis comme, ben, c'est ça. Ouais, mais. En tout cas, fait que, regarde, parce que Vicky a dit, ouais, c'est ça. Fait que on a eu cet épisode. mais pour vrai, j'espère que t'es satisfait comme épisode. Ben oui. Mais il n'y a pas de sujet précis. Non, j'étais pas inquiet que notre capacité de discuter de tout et de rien sans se remarquer le temps qui passe allait remplir cet épisode-là haut la main. Mais juste pour le dire, c'est Jonathan. Elle est bien crampée, je sais même pas pourquoi. C'est parce que JF, il a gelé, mais en riant, puis avec son doigt de même, OK? Fait qu'on aurait dit qu'il se faisait juste sentir ses doigts. Il sentait ses doigts. Oh, God. C'est juste ça. J'arrive des toilettes, hein? Il est comme rigelé. God. Il arrive des toilettes. Oh. Donc, c'est Jonathan qui a gagné le prix. J'essaie de vous ramener, là. Mais... Oui, on fuit. Oui, Jonathan Perron, donc, qui se mérite un code des films It Follows, 31 de Rob Zombie, puis Black Coat's Daughter. Reste à voir, est-ce qu'il a vu 31 de Rob Zombie? On ne sait pas, mais... Vicky? Quoi? Ouais. C'est correct. Tu... Okay. Non, mais tu j'essaie de pas pousser l'histoire, là. Non. Je fais ma low profile, Seb, en barque, là. Je sais. Peut-être. Non, c'est correct. OK, c'est bon. T'es stealth. Tu fais du stealth, là. Mais non, c'est ça, ben, les amis. Je pense qu'on a comblé cet épisode à perfection. Cette semaine, pour les 31 jours d'horreur, on aura le thème requin. Coupé. Avec des crocodiles dedans. Avec des crocodiles dedans. On a ni vu ni connu. N'importe quoi qui a des dents. On a poupé. On a mockumentaire, qui aura été une grosse partie de cet épisode. Fantôme asiatique. Zombie. Et Grindhouse. Donc. C'est religieux ou. Hein? C'est religieux, c'est un soir. C'est un soir. Ah, shit! Moi, je voulais full parler de mon film! On en jasera. OK. C'est correct, Vicky. T'as peur, t'en jasera. On va parler de religion aussi. OK, Vicky, merci. Vicky, elle aime ça, parler de religion. Donc, je sais pas pour vous autres, moi, c'est pas mal religion à soi, puis Grindhouse qui m'intrigue, malgré que mon choix de mockumentaire me... mockumentaire aussi. J'ai hâte de voir. Ben, moi, de toute façon, je skip les poupées. Ouais. Fait que je veux vraiment, vraiment, vraiment parler de mon film religion. Je veux vraiment, vraiment parler. Okay. Quelle journée qui vous inspire le plus votre suggestion? Vous faites comme, oh, God. Il y a requin, religion, poupée. Mockumentaire, oh. Fantôme asiatique, zombie. Ben, tu vois, fantôme asiatique, pas tant. Grindhouse, ben... ça me dérange pas aussi si on l'oublie. Fait que, tu vois, moi, vraiment, pour l'instant, là, c'est vraiment mon film religion. Okay. Reste à voir avec les autres. Je les ai pas vus, les autres. Beaucoup. Okay. Pour beaucoup, je les ai pas vus. Mais, okay. Mon 1er octobre a été vraiment intéressant. JF? Ben, comme je risque de pas vraiment le faire, mais si je le faisais, je pense que le fantôme asiatique, ça m'intéresserait parce qu'après avoir vu The Grudge, revu The Grudge il y a pas longtemps pour un épisode, ça me donnait envie de revoir certains de ces films-là. Puis la suggestion que j'ai faite, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, puis je l'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Puis c'est pour ça que je l'ai suggéré. Fait que puis Steven m'a approuvé, il m'a dit que c'était super bon. Fait que je me fie sur mon feeling de l'époque que c'était super bon, là. Puis je serais curieux de le revoir. Et puis dites-nous, hein, qui vous pensez a pris quel film? Prenez le temps de le dire. Ouais. Prenez le temps. Quand on va sortir les suggestions, on ne dira pas qui. Puis prenez le temps de dire qui vous pensez veut voir quel film. Ça va être drôle. Mais moi, durant le mois, je risque d'être plus dans ma lecture de La Tour sombre. Puis juste pour avant qu'on finisse l'épisode, je voulais juste mentionner quelque chose. Puis c'est une série qui passe à la TV en ce moment, qui vient juste de commencer, puis qui va durer tout le mois d'octobre. Puis je pense que ça peut rentrer dans l'horreur. L'auteur de la série la considère de l'horreur. C'est Alias Grace. Ça passe sur CBC. C'est basé sur le roman de Margaret Atwood, qui a aussi écrit The Handmaid's Tale, qui est une série au début de l'année. Puis Alias Grace, c'est une histoire d'une femme qui est accusée de meurtre, puis qui raconte son histoire à un psychologue, si je me souviens bien. Puis j'ai pas lu le roman, mais j'ai commencé le premier épisode, puis c'est ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est Sarah Polley qui adapte, qui écrit la série. Sarah Polley, pour le monde de l'horreur, est connue pour avoir joué dans le remake de Dawn of the Dead, puis dans Splice, mais elle a fait beaucoup d'autres choses. Puis c'est ça, puis c'est... j'ai un blanc de mémoire, mais c'est la réalisatrice d'American Psycho qui réalise la série. Mary quelque chose, je me souviens plus de son nom. Fait que c'est ça, ça vaut vraiment la peine. Le premier épisode est vraiment fucking beau, là, visuellement. Puis c'est à toutes les lundis soirs à CBC. Puis ça peut être vu sur leur l'équivalent de Tout.tv en anglais, c'est CBC Rewatch, je pense. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est considéré thriller psychologique / horreur. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis pour vrai, là, c'est vraiment juste un astérix, même pas une parenthèse. Mais quand vous aimez un show, avant de passer par des streamings illégaux, allez donc sur le site web du diffuseur. Comme il y en a beaucoup, comme moi, personnellement, je peux voir les Walking Dead légalement parce que mon Internet puis ma télé viennent de chez Bell. Ouais. Fait que pour vrai, prenez le temps avant d'aller chercher un streaming illégal. CTV met tous leurs shows en ligne. Fait que prenez le temps d'aller voir où est-ce que c'est diffusé, puis si vous n'êtes pas capable d'aller chercher légalement en ligne, puis de cette façon, vous encouragez les productions. De cette façon, vous encouragez vraiment. Si vous aimez The Exorcist, allez donc le voir au lieu d'aller le télécharger légalement. Il y a une série The Exorcist, puis là, je parle aux fans d'horreur. Il y en a plein qui sont légales à votre portée. Fait que avant d'aller vers les illégaux. On est très Radio-Canada chez nous, puis je passe mon temps sur Tout.tv, fait que, tu sais, j'adore ce site-là, fait que, mais comme, j'approuve totalement ce que dit Vicky, là. Mais tu sais, pour vrai, il y en a gros qui disent, sont comme, « Hey, où est-ce que je peux trouver Walking Dead? » Puis je suis comme, c'est super facile de trouver Walking Dead, littéralement. Par leur site web, ils donnent tout. Ouais, c'est ça, les réseaux canadiens comme CTV, tout ça, présentent les rediffusions sur le site. T'sais. C'est sûr que si tu vas sur HBO, Go, tu ne l'auras pas au Canada. Ben, oui, comme ça, là. C'est pas tout comme ça, mais comme CTV, là, tout ce qui Crave. Est pas de l'horreur. Abonnez-vous à Crave au pire, puis vous avez tout ce qui est HBO. C'est pas de l'horreur, mais Arrow, The Flash, Legend of Tomorrow, Lucifer... Toutes ces séries-là sont disponibles gratuitement et légalement sur leur site web. C'est comme, pourquoi vous faites chier l'illégal? Pendant que tu parlais, je riais parce que je t'en ai lire un commentaire de Marc-Antoine la bonté sur le chat, puis qu'il fait ses prévisions pour nos films de requins, puis j'étais comme, je lisais les titres, je suis comme, c'est qui niaise? C'est-tu vraiment les titres qui sont dans la liste, monsieur? Non, c'est comme, mais pourquoi il prend pas les titres qui sont dans la liste? Mais là, maintenant, j'allume. Parce qu'il dit, il dit que Vicky a choisi Lake Placid. Un bon film de requin, ça c'est clair. Steven Razorback, son film de requin préféré. GF SSSSSSS, je sais très bien de quoi il parle, mais très très très bon film de requin aussi. Puis Seb, Backcountry, le meilleur film de requin de tous. Voilà! Il a tellement compris. Hey, les amis, sur ce... Je pense que c'était une meilleure façon de conclure. On a parlé de nos Patreons. On les remercie encore une fois. Allez, jetez un œil. Prochain épisode. Je vais sortir mon accent. Là, on parle tout de même. Donc, oui. Prochain épisode, on va tout parler de moi. ton accent du sud-est requin. Oui, c'est sûr. Donc, prochain épisode, on va être encore live sur Facebook à partir de 8h le dimanche. Donc, le dimanche le 8, soyez avec nous. C'est toujours le fun. Comme vous pouvez voir, il y a des choses qui se disent qui sont toujours vraiment tripantes. Et les choses... Je sais pas si on doit enregistrer là. Oui, oui. Puis là, ouais, mais en plus, là, vous pouvez écouter l'épisode en MP3. Mais si vous allez sur notre page Facebook, la diffusion live qu'on a faite est encore là. Donc, vous pouvez aussi l'écouter dans son entièreté. J'aurais peut-être dû vous le dire au début de l'épisode parce que vous dites, oh, câlisse, je viens de finir. C'est un peu tard au temps de me dire de me la retaper pour écouter ce que vous avez dit entre les segments. Mais on ne sait jamais. Il y a eu des sujets un petit peu crunchy entre le deuxième et le troisième segment. On n'en dira pas plus. Mais donc, c'est ça. C'est toujours vraiment le fun. Donc, allez jeter un œil. Sinon, participez sur la page Facebook. On veut avoir vos commentaires. Gâtez-vous. On veut les discussions les plus endiablées au monde. Donc, sur ce, Jeff, je te souhaite un beau bye-bye, un beau bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi aussi. Et à Vicky, tout le monde qui nous a écoutés. Vicky, un beau bye-bye. C'est pas une bonne nuit, mais reste tout ça de vin encore. Écoute, on va dire un beau bovin. Un beau bovin. Oh, calice. Oh, Mike, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Hey, puis à tous ceux qui nous écoutent, un beau bye-bye et n'oubliez pas de garder ça horreur. Ciao, ciao.